Il n'y avait aucun autre homme comme lui sur la terre. Alors l'Éternel Dieu, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc voilà où la femme, en fait, apparaît maintenant depuis la création. Depuis la création, voilà d'où la femme apparaît. Et voilà l'homme qui voit maintenant. La première fois que l'homme voit, en fait, la femme dit, et l'homme dit, voici cette fois-ci. Cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Parce qu'avant, il n'avait personne qui était semblable à lui. Il a nommé les animaux, tout ce qui était sur la terre, mais personne, il n'y avait personne de semblable à lui. Maintenant, il voit quelqu'un qui est comme lui. Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Oh, chair de sa chair, pourquoi? Os de ses os, pourquoi? Le verset 21 dit l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Donc, c'est la première fois que l'on voit un ange semblable à lui et c'est sa femme. Donc, si, d'où est-ce que celui-là, par exemple, soutient qu'il y avait une femme avant, par exemple, elle. Avant elle. Il n'apparaît aucunement une femme avant, quoi. Bon, c'est parce que... Bonjour, frère Junior! Shalom, shalom, frère Junior. Shalom, frère Junior! Sont bien trop petits pour nous dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends les chants d'amour, tout est racheté. Prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pouvons pas te dire tout notre amour. Alors entends le cœur. Nous ne pouvons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Bonjour tout le monde. Frère Junior. Bonjour frère Junior. Il y a des gens ici qui n'aiment même pas. Je vais vous écouter. Les gens ne veulent pas que je vous écoute. Est-ce que c'est normal? Shalom frère Junior. Il y a des gens qui ne veulent pas que je vous écoute. Il y a les gens qui sont tapis dans l'ombre là, cachés. Je ne sais où vous êtes en crise. Quand je me cache un peu pour vous écouter, pour écouter les délices que vous donnez ce matin là, personne, ce monsieur là sort. Bonjour frère Junior pour travailler que je suis dans les parages. Est-ce que c'est normal? Est-ce que sinon tu ne te rates pas? On ne te rate pas, frère. On ne te rate pas aujourd'hui là. Et donc, tu n'es pas allé au travail? Tu n'es pas allé au travail aujourd'hui? Today. Today. Mon bien, voilà, mon permettez-moi de faire le round-up de la table. Mon frère Willy Landreau du côté de Bordeaux, bonjour et bienvenue dans la France, dans la sainteté. Bonjour, frère Junior. Merci, amen. Amen. Comment va la famille? Ça va, ça va. Il y a du monde à la maison, c'est pour ça que j'ai le casque. Il y a beaucoup ouais. de bruit. Ouais, également chez moi, il y a du monde, donc on va faire avec, d'accord? Amen. Ouais. Dieu lui ne se plaint pas qu'il y a le monde qui le sollicite chaque jour. Donc, on est obligé de faire comme lui puisque nous sommes à son image. Amen, amen, frère. La sœur Yolande Bibiche, bonjour et bienvenue. Je suis ravi de te voir et tu es ravissante ce matin. Ça va? Bonjour. Où étais-tu passé depuis ce temps-ci? J'étais en déménagé. J'avais déménagé en fait de mon ancien appartement à ce nouvel appartement. Oui. Et quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré des problèmes en fait pour installer. Ça marche pas beaucoup, en fait. Ouais, mais tu vois, donc il y a des frères à ta disposition. Quand tu vois le frère Christian comme ça, Gabo, avec sa taille de 1m98 pour 78 kg, il aurait dû t'aider pour pouvoir faire le déménagement, non? Mais il est où? Il est dans quelle région? Mais dans ce cas, vous êtes en France, moi, ici au Cameroun. Il n'y a pas de région ici au Cameroun comme ça, de cette façon-là. Vous vous contactez, vous êtes en France, la France dans la sainteté. C'est les frères dans la sainteté vivant dans un amour, dans un cœur uni, n'est-ce pas? Vous allez faire le barbecue ensemble. La scène à tout Chantal, bonjour. Bonjour frère Junior, bonjour. Ton téléphone, il était question que tu baptises ton téléphone pour que ça puisse avoir la vidéo plus donnée. Maintenant, tu l'as déjà fait, ma soeur. On t'a passé, quelqu'un t'avait proposé. Il faut plonger ton téléphone dans la caméra va s'arranger. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Je vais bien. Merci beaucoup. La sœur Paul Gertrude, bonjour. Bonjour mon frère Junior, bonjour. Nous as manqué, frère. J'étais là la semaine dernière, toi tu n'y étais pas. Oui, je travaillais et je vais même travailler tout à l'heure. Là. Donc c'est toi, pas tarder. C'est toi qui nous manque aussi, n'est-ce pas? Oui, mon frère, oui. Ça fait plaisir. Après, donc il y a des challenges qui arrivent, mais quand ça va arriver, il faut rester calme. Ça, c'est si concerne ton mari, d'accord? Il y aura un challenge, d'accord? Quand ça va, tu me suis, ma soeur. Amen. Donc, oui, mon frère, reste calme. Quand il y aura un challenge par rapport à ta foi venant de ton mari. Donc, reste calme, tout simplement. Où est-ce qu'il est? Il est appelé au salon, là. Oui, donc, il y aura un challenge. Il y aura un challenge. Ça, c'est le travail de Satan pour pouvoir te fragiliser dans la foi. Il y a un retour chez quelqu'un, là, c'est désagréable. Donc, ma soeur, reste calme quand ça va arriver. Reste calme. Je crois que contacte tes soeurs. Oh là, il y a le retour chez quelqu'un. Je ne sais pas chez qui cela. Je suis la soeur Sandrine. Ouais. Il y a un retour chez quelqu'un. C'est désagréable. La soeur Hélène de la France qui se trouve à Germantown, du côté près de Maryland aux États-Unis. Bonjour et bienvenue. Un peu de stabilité dans sa connexion, on va y aller. Le frère Olivier, bonjour, toujours en poste. Le frère Olivier, ça va? Je crois qu'il y a quelques petits soucis de connexion de son côté également. Alors, le frère Achille, le temps qu'on revient, parce que la distance entre la Chine et la France n'est pas quand même petite distance, le temps, les angles de parcours pour que la salutation lui soit adressée. Comment toi tu vas, mon frère? Bonjour et bienvenue. Shalom, frère Junior, shalom. Bah, ça va beaucoup mieux. J'ai une vie qui m'a beaucoup menacé, mais par la grâce de Dieu, ça va déjà. Donc, oui, ça va, Dieu. Ça va, justement. Le lion indomptable, un lion ne dort jamais. Il présente là, durant son maillot, à la poitrine droite, les quintuples trophées remportés par son pays, le Cameroun. Bonjour et bienvenue. Alors, je crois que entre temps les ondes du côté de la Chine c'est clair maintenant. Bonjour mon frère Olivier, bonjour et bienvenue ce matin. Shalom, bienvenue Junior. Bien dormi, comment tu vas? Comment va la famille? Ouais, je vais très bien, la famille aussi. Ça va par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Ouais. Alors, nous allons de quel côté? Le frère Benjenit, bonjour. Bonjour, frère Junior. Je m'apprêtais à délecter de toutes les démonstrations que tu as apportées dans les Saintes Écritures, les éclaircissements, quand quelqu'un est sorti de nulle part pour me trahir et couper mon élan d'écoute. Merci pour cette nourriture matinale. Amen. Voilà. Le frère Pierre Moha, bonjour et bienvenue. Bonjour, frère. Shalom, shalom. Mmh. Bien positionné ce matin, n'est-ce pas? Oui, frère. Prêt à susciter les questions difficiles, n'est-ce pas, frère? Attends. Mais quand j'ai des frères Achille, le frère Willy et tous les autres frères là, Ngabo et mon bien-aimé Olivier, je sais que même si tu poses n'importe quelle question, ils sont là, ils sont prêts. Même si je rate, ils ne parviennent pas à savoir, ils sont là prêts à me soutenir. Vous voyez ça, non? Amen. Donc, quand je suis dans votre groupe, je suis à l'aise parce que je sais que même si ça me dépasse, il y a quelqu'un là-bas qui va me soutenir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, Frère Junior. Amen. Oui. Alors, où est-ce que je vais là maintenant? La sœur Anne Goba, bonjour, bonjour et bienvenue. Frère Junior, bonjour. Hé, hey, c'est encore qui? Ça n'est pas bonjour. Vrai. Qui? Je ne vois pas quelqu'un sur mon écran. Le frère Osval. Le frère Osval. C'est le frère Osval. Ouais. C'est... Il est où? Je ne vois pas. Oui. Le frère Osman. Je t'interviens parce que voilà, on a un souci de connexion là. On doit utiliser parce que nous sommes en vacances, on n'est pas à la maison. Oui. Voilà donc. Oui, on a un souci de connexion. C'est justement pour te dire bonjour et couper le micro. Ok, ok. Merci frère. Merci frère, c'est gentil. C'est gentil. Que Dieu te bénisse. Qu'il vous fasse reposer votre corps afin que l'Esprit Saint puisse y demeurer avec sainteté. Amen. Mm-hmm. Merci frère, merci. La sœur Hélène de France, qui se trouve du côté de Greentown, près de Maryland, aux États-Unis. Bonjour et bienvenue dans la France dans la sainteté. Mon frère, bonjour, bonjour. Quelle heure il est là-bas aux États-Unis? Pourquoi tu te présentes ce matin à 10h de France, 11h de France? Tu n'as pas voulu rater. Il est quelle heure là-bas? Il doit être 3h parce qu'on s'est connecté depuis 4h. Donc, chez toi, il est quelle heure? Il est 3h. 3h30. Non, 5h. 5h30. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie, d'accord? Qui est-ce qui n'est pas? Chez la sœur Anne, ma bien-aimée sœur Anne, comment tu vas? Bonjour et bienvenue avec toute la famille. Et ma sœur Anne? Le seul Banganti, le noble de Paris. Frère Yannick, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Shalom, shalom. Oui. Shalom à tout le monde. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas si la sœur Anne nous entend, mais j'ai l'impression que sa connexion, son micro est coupé. Vous me voyez tous, vous me voyez, n'est-ce pas? Alors, non, j'ai pas salué quelqu'un. J'ai pas salué quelqu'un. Vous voyez, c'est cette personne qui me dérange chaque fois. La famille Gabo de Viry-Châtillon, à Bougainville. Bonjour et bienvenue. Bonjour, frère Junior. Vous voyez, j'essayais de dire quelqu'un a-t-il des connexions, c'est que mon frère devait se plaindre devant le Seigneur Jésus-Christ maintenant que j'ai salué tout le monde sauf lui. Est-ce que c'est aussi normal, frère? Que tu sais que le monde, tu ne me salues pas. C'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. C'est pas normal que tu salues toute l'assemblée. Oui, on salue toute l'assemblée. Alors, comment vous allez de côté de Viry-Châtillon? Très bien, par la grâce de Dieu. Mmh. Et je suis content du fait que le roi de Mekanessa a laissé cette journée ici de pouvoir suivre la parole du Seigneur. Vous savez, plus le temps passe, plus Nebuchadnezzar sort des lois pour pouvoir déranger les chrétiens. Vous savez qui est Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Les patrons de notre lieu de travail. Et ça, oui, c'est, voilà. C'est ça. Voilà, je suis content. Mais je ne te vois pas sur mon écran. Je ne te vois pas sur mon écran. On est bien là, frère. Et vous, comment je te vois? Vous me voyez? Je te vois. Ah. Je te vois bien. C'est terrible. Le frère Pierre également, il ne va pas sur mon unité de compte. Wonderful, c'est encore qui? Bonjour, Père Junior. C'est qui? Mais je ne vois pas sur mon écran. Qui parle? Voilà, là maintenant, il voit le frère. C'est la charmante. Ah, Madame Olivier, bonjour. Bonjour. Que le Seigneur te bénisse. Comment tu vas? Amen. Amen. Ouais, j'aime cette parole. C'est ma charmante épouse. Plus les frères. Bon, si il parle maintenant, on va dire, encore dire qu'il parle des femmes. Maintenant, plus les frères considéraient les femmes effectivement comme des charmantes épouses. N'est-ce pas les frères mariés là? Oui, mon frère, comment? Ouais. Amen, mon frère. Voilà. Ouais, les charmantes épouses. Si ces frères, c'est avec les femmes à côté, pouvaient dire, oh bonjour mon charmant épouse. Vous avez salué vos épouses, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Prenez soin d'elles comme Christ le fait pour l'église. Prenez soin d'elles. Vous voyez comment le frère Julien, le frère Gabo. Prends soin d'elles, frère. Ouais, il faut prendre soin d'elles. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est souvent pas facile, mais on fait les efforts. Comment tu fais les efforts? Il n'y a pas un commandement qu'on dit que faire les efforts pour les plaire. On a dit qu'il faut les aimer et prendre soin, pas faire les efforts pour prendre soin. Pas vrai, frère? Oui, c'est ça, mon frère. Mais on décide de faire tous nos efforts pour jouer dans notre foi, la piété, tout ça, non? Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de domaine romantique dans cette partie-là, d'accord, frère? Dans le domaine romantique, c'est que tu dois aimer ta femme comme ton propre corps, car personne n'a jamais haï son propre corps, n'est-ce pas? Mais il le nourrit chaque jour. C'est ainsi qu'on prend soin. On prend soin de nos épouses. Amen. Ça, vous savez, vous qui êtes les époux, et qui passez, qui aidez de temps en temps votre femme. Quand vous allez à la cuisine, vous lavez des assiettes, vous essayez d'échanger des enfants. Pour vous qui avez des enfants, vous lavez le sol et puis vous dressez le lit. Vous faites tous ces travaux-là, c'est là que vous comprenez effectivement que la tâche ménagère n'est pas du tout facile. Si un enfant, si une femme fait comme ça et qu'il doit encore s'occuper de 3, 4, 5 enfants, pour que le soir tu viens lui dire, hé, couche-toi ici, vous comprenez ce qu'il vous l'a dit. Ah, il faut qu'on soit vraiment les... Il faut qu'on soit vraiment, vraiment... Ah, Madame Willy Landreau, bonjour et bienvenue. Bonjour, frère Junior. Voilà, donc ce que je dis là, quand il dit comme ça, là, quand il parle comme ça du romantisme de nos, des couples, ton cœur fait boudou, n'est-ce pas, la soeur? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Sur cette base là, je vous pose la question, si on ne doit pas aimer notre épouse comme plus que jamais, qui est-ce que, si on ne peut pas au moins s'entraîner à aimer nos épouses, les aimer de façon non restreinte, qui est-ce qu'on nous allons encore aimer sur la terre? Alors, vous voyez, c'est le seul endroit où vous pouvez vous reposer avec sécurité. Vous allez beau faire n'importe quoi dehors, mais la personne avec qui tu dors, et quand tu dors, souvenez-vous, quand vous fermez vos yeux, vous ne savez pas ce qui arrive. C'est celui qui connaît tes secrets. Quand tu sois général, devant elle, tu n'es pas général, tu es mon chéri. C'est ça, n'est-ce pas, mes frères? Tout à fait, frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, si mon épouse est en train de m'écouter maintenant, chérie, je t'aime et je t'aimerai toujours. Toujours. Toujours. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Je ne vous dis pas. Ah, le frère. Vous voyez, le frère Christian a triché ma touche là. Mais c'est bien. Soyez dans mes imitateurs. La foi de nos conducteurs, non? Oui, soyez mes imitateurs, justement, soyez mes imitateurs. Et pour ceux... Oui, voilà. Et pour ceux qui ont été traumatisés par la relation entre leurs parents et leur maman et qui ont eu des séquelles dans leur jeunesse et qui ont eu une autre idée du mariage, je peux dire solennellement ici que quel qu'en soit le cas, le mariage est la meilleure des choses qu'ils puissent avoir sur la terre. La meilleure relation. Donc, quel qu'en soit les... Vous savez, il y a des gens qui disent... Qu'il y a des proverbes qui disent, si vous êtes mordu par des serpents, vous voyez les mille pattes, vous fuyez. Donc, il y a toujours une meilleure femme réservée pour vous. Il suffit seulement d'être agréable au Seigneur. Parce que le livre d'Ecclésiastes, chapitre 7, verset 26 à 27, 29, dit, ces femmes-là qui sont des pièges et un filet pour l'homme, c'est ceux qui sont agréables à l'Éternel les échappent. Voilà. Donc, je puis croire que vous qui êtes les chrétiens, Dieu vous a fait échapper à la dangerosité des filles et les petites filles de Jézabel. Bonjour et bienvenue de France à la sainteté. Prenez une respiration musicale et on revient, n'est-ce pas? Amen. Oui. Oui. Comment parle le frère France Stéphane? Le frère France Stéphane. De Radio Bonne Nouvelle. Tu as rêvé de lui, mon frère? Non, je suis là dans ce France ce matin. Ok, non, il va très bien. Il va très bien, d'accord, mon frère? Okay. Ok, super. Alors, prenons dans l'expression musicale. Comment expliquer sont si puissants que rien ne peut les contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la... Sainteté, merci pour notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a gratifié de cette belle pluie ce matin encore ici à Douala. Je suis à votre service ce matin. La France dans la sainteté, rebonjour. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas répondu à mon bonjour. C'est la sœur Anne. Je ne sais pas si elle est disposée maintenant à me répondre ou bien si sa connexion est bonne. La sœur Anne, bonjour si tu m'entends. La sœur Anne n'est pas toujours connectée. Elle fait signe de la main. Il lui fait signe de la main. Elle fait signe de la main. C'est ce qu'elle a coupé son micro. Ah, ok. qu'on dérange. Okay. Elle fait signe de la main. Okay. Elle te salue de la main. Voilà. Alors, donc tu ne me persécutes pas seulement, mon frère, mais tu me cherches également. Tu me dis aussi des choses lorsqu'il faut. Que le Seigneur te bénisse aussi. Alors, je suis à votre service ce matin. Dites-moi ce qu'on fait. Y a-t-il des questions? Le frère Willy a-t-il une exhortation à nous donner? Le pasteur Willy a-t-il quelque chose à nous donner ce matin pour que les brebis soient nourries ce matin des vrais pâturages? Toi, frère Junior, oui. J'ai une question qui me travaille beaucoup et qui a été un petit peu en rapport avec le sujet qui a été abordé ce matin. Je me posais la question au commencement, il y a eu Adam et Ève, et comment nous en sommes rendus aujourd'hui à avoir des gens de couleur, les Africains, ou les Maghrébins par exemple, ou même le continent asiatique. Je me posais cette question depuis maintenant 24-48 heures. Oui, je crois que je n'ai pas bien saisi. Ça, c'est le problème des différentes couleurs, de différentes personnes qui sont sur la surface de la terre, la couleur de la peau. Comment on en est arrivé là? En partant de Adam et Ève, qui à la base de Jinji sont blancs, comment on en est venu à avoir donc ces différentes communautés? Les différentes colorations. Amen, amen, frère. Oui. Voilà. Je vous avais promis, chose due. Je vous avais dit que si vous me posez n'importe quelle question difficile, je suis à l'aise parce qu'il sait qu'il y a des frères. Donc, c'est très simple pour moi. Je balance la même question aux frères. Alors, les frères qui m'écoutent, le frère Willy veut savoir, au départ de la création de l'humanité, comme le frère Benjamin démontrait, parce qu'il voulait parler des différentes choses. La Bible déclare que la Ève fut la mère de toute l'humanité, tous ceux qui ont peuplé la terre. Alors, en partant du fait que les deux sont de même couleur, on va prendre le formulaire ou le postulat, même couleur, d'accord? Sous réserve qu'on vienne démontrer qu'ils étaient des blancs, sous réserve qu'on démontre qu'ils étaient des noirs, parce qu'il y a des groupes qui se lèvent maintenant pour dire que tous les patriotes étaient des noirs, ainsi de suite, vous voyez? Donc maintenant, sous réserve. Donc je vais prendre la même coloration. C'est-à-dire que partant des deux êtres de même coloration, comment en est-on arrivé à peupler une terre avec des gens, des Amérindiens qui sont rouges, les Chinois qui sont blancs, des autres personnes qui sont belges, ainsi de suite, les gens qui sont chocolat, comme moi, et du côté de Dakar, des gens qui sont totalement noirs comme du cirage, alors que de l'autre côté, on a des gens un peu grisâtres comme les Pakistanais. Comment en est-on arrivé là? Là est la question de notre frère Willy. Les biblistes, ouvrez les bibles et répondez au frère Willy. Nous écoutons. Ce sont les frères qui me parlaient tout à l'heure là. J'espère que la pluie qui tombe ici, ça ne vous dérange pas. Vous entendez la pluie là, donc on va tailler. Alors, les frères m'entendent. Personne ne veut plus parler maintenant. La question du frère Willy est difficile. Pour ma part, ce que je peux apporter comme ma petite contribution là-dedans, c'est que je ne pense pas que vous comprenez bien cette question de la diversité. Les questions de genre. Ça crie là, ça crie. Chez le frère Yannick, ça crie. Il y a un retour là. Et chez le frère Pierre aussi. Je crois que c'est là. Voilà. Je disais pour moi, pour ma petite contribution, là où je comprends un peu la diversité, justement, il est question, comme tu avais expliqué, qu'il faut qu'on comprenne d'abord le langage biblique. Oui. Parce que si on ne comprend pas le langage biblique, on ne peut pas comprendre certaines choses. Mmh. Et pour ma part, je me suis résolu à comprendre tout ça, c'est dans Genèse chapitre 1, en fait. Tu vois? Oui. Genèse chapitre 1, à partir du verset... Donc il ne faut pas aller vite, parce que quand vous parlez vite dans les enseignements, je ne vous écoute pas trop vite, trop bien. Donc il faut aller doucement. Il faut nous expliquer ça doucement. Je prends mon stylo, j'attends Genèse chapitre 1, et je crois que les autres vont en faire autant. Je ne sais pas si vous entendez ces bruits forts de pluie, qu'il y en a des torrents qui tombent ici là. Je ne sais pas si vous entendez, vous percevez ça là-bas. Ok, merci beaucoup. Oui, Genèse chapitre 1. Oui, donc, il sait qu'il y a des choses pour comprendre le langage biblique, parce que c'est par là que je m'étais un peu retrouvé pour concevoir certaines choses dans la Bible. Oui. Par exemple, le Seigneur nous considère comme des arbres. Hein? Oui. Cela nous considère comme ça. Et dans les enseignements que tu avais justement éclairci, la propre illumination par l'œuvre du Seigneur, parlant de la. Pas le enseignement tout à l'heure là. Le péché originel, oui. En parlant de l'arbre, la connaissance. Et c'est là, c'est à ce moment que j'avais compris en fait que l'arbre là représentait deux personnes en fait. Donc, sans comprendre le langage biblique, j'aurais toujours pensé que l'arbre, c'est l'arbre qui porte un fruit de manière comme le manguier, l'avocatier, tout ça. Oui. Mais en fait, c'est que le langage biblique fait comprendre ici que le Seigneur nous considère aussi comme des arbres, notamment le psaume 1. Oui. Notamment l'évangélisation des gens, c'est à connaître bien la racine de tout arbre. Oui. Tout arbre qui ne porte pas de bon fruit sera coupé juste au feu. Et dans ce Genèse chapitre 1, il nous parle justement, il dit que chaque arbre, il dit selon leur espèce. Oui. Il parle des arbres selon leur espèce et en ayant en eux-mêmes leur semence. Donc, c'est par là que je ne pouvais pas apporter ma petite conviction au sens où c'est là que la diversité. Oui. Tu vois un peu. Oui. Parce qu'il a dit, c'était plusieurs arbres et selon chaque arbre selon son espèce. Oui. Selon sa semence en lui-même. Voilà. Donc, après maintenant, c'est là où moi je m'en tiens hein, pour comprendre un peu la diversité. Donc, je ne sais pas si... Allô? Ça fait ouais. Quelque chose, je ne sais pas. Il faut, il faut que les micros soient fermés. Je crois qu'il faut que les micros soient fermés pour qu'il n'y ait pas ces interférences là. Oui, je voudrais parler. Oui, frère Achille. Le frère Achille. En fait, je crois que il y a au départ, il y a une formation, comme on l'a cité tout à l'heure. Il y a des gens qui sont formés et tout, mais il y a un moment où Dieu a résolu de détruire toute la terre. Et après avoir détruit toute la terre, je crois que c'est venu par Noé. Je crois que maintenant, c'est à ce moment-là qu'il y a ceux qui sont sortis. Donc, pour moi, j'ai plutôt l'impression que la diversité vient après la tour de Babel, c'est-à-dire à partir de Genèse 11, où il y a eu, ils ont résolu de consulter, pour, attends, je peux lire, à partir peut-être de Genèse 11. Genèse 11, disons, à partir du verset 5. Oui, donne le temps aux gens de soit persévérants, soit patients, que les gens puissent trouver, d'accord? C'est de... Ok. Ouais. Alors, dans Genèse chapitre 11... Je crois que les gens y sont. Oui. Genèse chapitre 11, à partir du verset 5. Oui. 11 à partir du verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'il bâtissait. Donc, allons au verset 1. C'est là, c'est clair. On dit toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Skinéa et ils y bâtirent. Ils se disent les uns à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils disent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici qu'ils forment un peuple et ont tous une même langue et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons là et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit la langue de toute la terre et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc, pour moi, c'est là où commence la dispersion. Je ne sais pas comment expliquer le changement de couleur de la peau, mais pour moi, je pense que c'est là où commence la dispersion sur la face de la terre. Oui. Voilà. Merci, frère, pour ta question. Ou ça crie chez quelqu'un. Oui, c'est le frère Élevé qui veut parler. Oui, je voudrais un peu rebondir sur comment on ne peut pas rebondir. Je vais parler par rapport à l'intervention de la fille de Salomon. Oui. La fille de Salomon dans le livre des Cantiques. Oui. Elle a exprimé quelque chose que nous devons, je voudrais qu'on revoie ça un peu. Si c'est là, on va comprendre qu'est-ce qu'elle voulait dire. Bon, Cantique de Cantiques 1, oui. Au verset 5. Si nous sommes à la page, je vais lire. Cantique de Cantiques, chapitre 1, verset 5. Okay. C'est ce que notre frère dit. « ça, je parle seulement d'une seule peau. Donc, en partant de là, on va comprendre. En partant de là, on va comprendre comment. Qu'est-ce que. D'une seule Oh là là, oh là là, la connexion n'est pas bonne là-bas. Je ne sais pas que si le frère utilise le câble original, c'est le câble chinois. Du côté de la Chine, là, est-ce que le frère Olivier, tu veux nous développer des choses là? Je ne sais pas comment on va faire pour que ta connexion se stabilise. Tu nous entends? Ouais, je vous entends très bien. Voilà, donc il faut se rapprocher et être constant dans une même direction. Ne varie pas, sinon le son va varier et la voix va varier également. Oui, mon frère, vas-y. Ok, là vous m'entendez? Saint sur saint. Bon, on va lire. Je suis noir, mais je suis de Jérusalem, comme le prince de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Ils ont irrité contre moi. Ils m'ont fait gardien de vignes. Oui. Ma vie à mon pain. Je ne l'ai pas gardé. Dis-moi où. Je crois que à ce niveau, c'est déjà suivi. Donc, pour moi, si on retient là, elle voulait parler que c'est la situation climatique oui. qui a tout simplement façonné sa peau. Oui. Et nous savons que Dieu a créé la terre. Mm. Donc, il y a des variétés de terre. Et là, chaque continent, chaque surface n'est pas identique. Il y en a des zones chaudes, il y en a des zones froides, il y en a des zones tempérées, il y en a ces variétés de zones. Donc, quand on revoit ce qu'elle venait de dire, ça veut dire qu'il y a l'influence climatique sur la peau. Oui. Et pour vous donner un exemple, papa, au moment quand il fait chaud ici avec les Chinois, il devient tout roux, ça veut dire tout rouge. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a le climat que le Seigneur a créé à l'influence sur la peau. Oui. Voilà, je prends ça et puis pour vous dire qu'on peut dupliquer sur d'autres commandes. Quand on prend par exemple ceux de la Russie, mm-hmm. ils sont plus pâles parce qu'il neige, il neige très fort là-bas. Oui. Bon. Voilà, là, c'est ce que je voudrais apporter ma modeste contribution. On va aller doucement. On voit que les Noirs du continent ont des cheveux crépus. Donc, il y a de la modification non seulement sur la peau, mais sur la texture même des cheveux, la couleur des cheveux et même les cils et l'iris des yeux, n'est-ce pas? Justement. Comment expliquer cela? Et même parmi ceux qui ont de la peau blanche, il y a différentes variétés de cheveux, des cheveux blonds, des cheveux noirs, des cheveux bruns, ainsi de suite. Pourtant, on passe avec le postulat du fait qu'on sortait d'un seul couple normalement qui avait les mêmes constitutions parce que l'une est sortie de l'autre, n'est-ce pas? Frère Willy, je vous avais promis que si vous me posez des questions difficiles, les frères sont là. Attends, où est quand le frère Yannick est en train de chercher dans les Écritures? Attendez qu'elle va lever la tête, là vous allez voir. Shalom, frère. Oui. Le frère Pierre, oui, allons-y. Oui, en fait, pour ma part, tout dépend de la volonté de Dieu. Mm. Un peu comme il prend l'exemple du potier et qui est en train de faire son. Donc nous, c'est une question qui dépend exclusivement de Dieu. Mm. Voilà. Ça c'est ma. Et que c'est pas clairement mentionné dans la Bible. Donc c'est je sais pas si le verset qui parle de. Alors mon frère, on t'attend plus. Oui, donc tout dépend vraiment de la volonté de Dieu, quoi, en fait. Oui. Et comme nous sommes faits je n'ai pas le verset exact qui parle, qui explique cela. Je n'ai pas le verset exact. Demande à tes frères qui te fournissent ça, mon frère. Pardon? Demande à tes frères qui te fourniront. Oui, le verset, quelqu'un le verset qui parle de que Là où Dieu dit que nous sommes faits, garder le poteau. Mon frère. Oui. Mon frère. Je suis en train de chercher le verset en même temps. Jérémie chapitre 18, frère. Voilà, Jérémie chapitre 18. Je vous ai dit que j'ai des frères prêts ici là. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Voilà, donc c'est le Jérémie chapitre 18 à partir du verset 5. À partir du verset 5. Qu'il y a quelqu'un, l'enfant qui bavarde chez quelqu'un là. C'est bon? Vas-y, lis, mon frère. Et la parole de l'Éternel, Jérémie chapitre 18, verset 5. Et la parole de l'Éternel nous fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier des gens d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, les gens d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. On peut déjà s'arrêter là. C'est-à-dire, le Seigneur nous a... moi, je pense que le fait que nous avons des cheveux différents, de la couleur de peau différente, dépend de la volonté de Dieu, en fait. Dépend de la volonté de Dieu. Et que nous ne pouvons que nous soumettre à Dieu et apprécier cela. Non, ça, c'est clair. Ça, les enfants qui sont morts à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas, frère? Oui, également. Si on veut demander maintenant comment ils sont morts, il faut qu'on va maintenant dans la Bible pour voir effectivement comment Hérode a envoyé les gens pour faire le recensement, pour savoir de quelle période l'enfant Jésus était. On a dit de 2 ans en descendant. Donc on a ciblé effectivement les enfants de 2 ans en descendant. Donc nous comprenons que tout arrive selon la volonté de Dieu. Mais comment? Parce que la question de notre bien-aimé frère Willy pose la problématique justement de cette multiple coloration. Comment en est-on arrivé à voir cette diversité de la coloration du genre humain? Nous comprenons que c'est la volonté de Dieu, mais comment en est-on arrivé là? Je crois que si je réponds bien, si je ne me trompe pas, c'est ce que le frère Willy veut savoir. Puisqu'on parle de deux personnes qui jadis avec la même couleur, comment en est-on arrivé là? Nous savons que c'est la volonté de Dieu que ça arrive ainsi. Mais comment? C'est ça, n'est-ce pas, frère Willy? Quand son micro, allô? Son micro est fermé, je crois. Oui, frère, excusez-moi. Oui. Je disais oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Je sais très bien, j'ai conscience que la vie que l'on a chacun, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est pas un problème. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, comment on en est arrivé là? Parce que si on prend l'histoire de... l'histoire de l'arche de Noé, oui. quand les océans ont envahi la terre, tout a été supprimé. Oui. Il a juste demandé à Noé donc, de garder une certaine catégorie, une certaine quantité d'animaux oui. pour, on va dire, recréer. Et on voit dans la Genèse, on repart de Noé et de sa femme, c'est-à-dire ils font des enfants et après les enfants vont engendrer. C'est juste là, c'est exactement ce que tu disais. C'est comment on en est arrivé là. Voilà. Merci, frère. La sœur Laetitia, bonjour et bienvenue. On ne quitte pas la question de notre bien-aimé frère Willy. C'est une bonne question à examiner aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, mes frères et sœurs. Désolé, j'avais une petite de courant. Oui, c'est monnaie courant ici. Non, c'est notre nourriture quotidienne. La sœur Nafissa Lafché, bonjour et bienvenue. Bonjour, shalom, shalom à tous. Bonjour, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient multipliées dans ta maison. Amen, amen. Voilà, merci beaucoup. Dain, fermez ton micro. Le frère Achille, la question reste encore sur la table. Certaines personnes, les frères ont mis leurs petites contributions pour construire un mur. On veut construire la maison pour avoir la réponse sur la coloration de la peau. D'où est-ce que c'est venu? Et le frère Willy a emboîté le pas en recentrant encore bien la chose. En admettant qu'il y a eu des peuplades avant Noé. La terre a été supprimée de ses habitants, dit Genèse chapitre 6. Et la Bible déclare que 8 personnes sont entrées dans l'âge d'une même famille. D'où vient cette complexité, cette multiplicité des couleurs sur la terre? Comment en est-on arrivé là? Frère Achille, je crois qu'aujourd'hui c'est mieux que je joue le médiateur maintenant et le distributeur des rôles. Enfin, frère Julien, je pense qu'ici, si on associe en fait, ce que j'ai dit avant concernant la dispersion au niveau de la tour de Babel et ce que le frère Olivier a dit, on voit clairement que ça prend sens. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la tour de Babel, Dieu à ce moment-là, ils étaient un seul peuple, ils parlaient une seule langue, ils étaient à un seul endroit. Or, la mission, c'était de dire que c'était aller et c'était multiplier ou rassembler quelque chose comme ça. Donc, il a envoyé son peuple à aller peupler toute la terre, en fait. Oui. Mais il ne voulait pas peupler toute la terre. Donc, Dieu les a renvoyés. Ça veut dire qu'ils sont partis à ce moment-là, ils avaient déjà des langues différentes. Mais ils sortaient d'une même famille, mais ils avaient la même couleur de peau. La même couleur de cheveux autres. Donc, si on transpose sur le Genèse 11, avec le cantique des cantiques, cela dit que l'effet du soleil sur cette fille-là a eu de la rendre noire. Ça veut dire que quand ils sont quittés, ils sont allés dans les différentes régions, les effets du climat leur ont poussé à prendre une certaine morphologie, une certaine couleur de peau, certaines images, c'est ça qui les a affectés. Oui. Donc, c'est dans ce sens que je comprends. Voilà. Donc, le frère Willy, notre frère bien-aimé, frère Achille, a dit justement. Et en emboîtant le pas à notre bien-aimé Olivier, qui a signifié dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5 suivant, comme la femme l'a crié, qu'elle a été bronzée par le soleil, n'est-ce pas? Qu'elle a été bronzée par le soleil. Il a parlé de l'influence du soleil. Or, maintenant, d'après les scientifiques, justement, dans le soleil se trouvent des ondes ultraviolets qui frappent dans le corps et touchent vont au-dessous des dermes jusqu'à toucher la mélanine. Là, cette substance chimique qui est responsable sur la coloration de la peau et de la texture des cheveux. Alors, bon, je crois que c'est là, j'étais sur le point d'aller moi me répondre à la question. Non, je crois que je suis là pour distribuer le rôle. Donc, nous comprenons que le soleil a une influence sur ces changements brusques-là de la peau, n'est-ce pas? Maintenant, le frère Yannick. Oui, mon frère. Le frère Willy veut savoir pourquoi ta barbe est noire, son noir est crépu et grave noir, alors qu'on est des entouches d'Adam et Ève. Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Bah, ça c'est une question dont je me suis déjà posé auparavant. Et pour moi, au vu de la Bible et de ce que j'ai appris à l'école, ça revient un peu à ce que les frères ont dit tout à l'heure. Donc, les peuples, tantôt, se sont. Ont migré. Moi, je vais dire de façon concise que c'est pour des raisons migratoires et climatiques et aussi plus ou moins alimentaires que nous avons des tailles, des formes, des couleurs différentes en fonction de là où on se situe. Et rajoutant à ça l'effet du métissage qui va encore reproduire d'autres nouveaux, de nouvelles données morphologique. C'est un peu ça. Aujourd'hui, un Suédois épouse une Togolaise, ils vont vivre en Russie. Les générations qui vont suivre derrière auront des couleurs, des colorations et des morphologies différentes en fonction de là où ils se trouvent. Donc, ce que l'on mange, où on vit, le climat, le climat que l'on subit agit sur notre morphologie. Donc, c'est un peu ce que je... Donc, en clair, qu'est-ce que tu veux dire au frère Willy? Parce qu'après avoir parlé comme ça, il faut parler peu pour qu'il puisse saisir ce qu'il a de dire. En clair, mon frère Willy, tout ça, c'est pour des raisons... c'est parce que les insectes... Enfin, c'est pour des raisons climatiques et migratoires. Tout simple. Bon, on continue maintenant. Les sœurs, on a toujours la question difficile. Toutes les sœurs sont toutes les sœurs sont cramponnés dans 1 Corinthiens chapitre 14 quand on dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Là, moi j'ai une question dans cette question. Comment donc, par exemple, on a fait qu'on a dit Brune et même des Avinos, malgré ces influences du climat. Justement, je voulais rajouter aussi, en Afrique aussi, on va trouver deux personnes noires, et ça a déjà créé des conflits, ça crée souvent des conflits dans certaines régions en Afrique, où deux personnes noires vont faire un albinos, et les gens vont dire oui, il y a des soupçons et tout. Bah, c'est des antécédents, ça vient des antécédents de la lignée, en fait, de la fratrie. Oui. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, tous ces mélanges, les mélanges qui sont différents vont produire en fait, tout est une question aussi d'ADN, de les gènes aussi qui interviennent. Après, au-dessus de ça, je pense que Dieu est souverain, c'est aussi la volonté de Dieu. Nous, on l'explique par le côté visible, mais il y a forcément un aspect spirituel derrière. Donc, peut-être moi, je n'ai pas le mystère, mais... Voilà. J'ai une question. Frère Junior. Oui. Oui, Frère Junior. Oui. Il y a une vidéo que j'ai regardée qui parlait de deux couples. Je ne sais pas si d'autres personnes ont regardé cette vidéo. Un couple noir qui ont donné un enfant blanc aux yeux bleus, complètement, en Angleterre. Et il y avait beaucoup de questions qui se posaient là-dessus. Bon, moi, je ne sais pas si d'autres ont regardé cette vidéo, mais il y a aussi des couples métis, c'est-à-dire des couples un noir et un blanc qui donnent des jumeaux, un enfant complètement noir et un autre complètement blanc. Oui. Voilà, ça aussi, j'ai vu ça aussi sur YouTube, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on en pense alors de ça? Voilà. Nous touchons là, effectivement, c'est que pour ceux qui ont fait la science jusqu'en classe terminale, les différentes, avec les exemples que tu as touchés là, nous touchons là justement la loi, les principes de l'hérédité de la loi de Mendel, les trois lois de Mendel, qui était un botaniste tchèque, d'expression allemande, vous le connaissez, c'est Grégoire Mendel. Vous avez fait la science, vous allez connaître cela. La première loi de Mendel, justement, parle d'une uniformité des hybrides de première génération. Et la deuxième loi parle de la disjonction des allèles. Et puis la troisième parle des ségrégations indépendantes de caractères héréditaires multiples. Je crois que, avec mon ancien réflexe de la science, c'est ce que ces trois lois disent. Maintenant, vous prenez, je crois que pour ceux qui connaissent ces représentations, vous prenez une souris blanche et une autre souris blanche pure de la première race. Vous les multipliez. Il dit qu'à la première génération, vous aurez totalement les blancs, les blancs et les blancs. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc c'est la loi de l'hérédité, le principe de l'hérédité. Et là, quand Mendel fait son exposé. Ah, je ne sais pas si je vais vite là maintenant. Quand les séchos aussi me prennent, ils commencent à bavarder comme la radio là maintenant. Je vais doucement là, frère, n'est-ce pas? Vous y êtes? Amen. Voilà. Donc la combinaison, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait la science quand je suis en train de parler ou vous parlez. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que je suis en train de dire. Mais la découverte dans les... Comment, frère? Il dit que c'est bon, c'est ça. Voilà. Donc, dans les années 1900, lorsqu'on a découvert des choses tout autour de la combinaison des chromosomes, ça a amplifié cette découverte de Mendel de 1800. Et par conséquent, au fur et à mesure, on a commencé à comprendre maintenant que beaucoup de choses qui se trouvaient comme des mystères entre les hommes se trouvaient plutôt comme un facteur génétique, c'est-à-dire que ça se trouvait plutôt dans les gènes. Il y avait, tout à l'heure, vous avez parlé par exemple vous appelez le guinguerou, comment vous appelez cela en français? Les albinos. On croyait que, et dans d'autres cultures jusqu'à présent, on pense que c'est une des malédictions au point où ces enfants-là sont tués, alors que ce sont des anomalies chromosomiques, de telle enseigne que des chromosomes sont attachés, à quelque chose sont attachés des chromosomes. Vous allez voir un couple, comme vous le signifiez, noir et noir, ou bien qui accouche d'un enfant et qui est albinos. On se pose la question, quel est le problème? D'où est-ce qu'il vient? C'est un facteur génétique. Et par conséquent, les trois lois de Mendel se penchent là-dessus. Et donc, dans la représentation, en prenant deux souris de la race pure, donc dans la première génération, c'est-à-dire que les premiers choix que vous avez fait, s'ils sont blancs, à la deuxième génération, ils sont blancs. Mais maintenant, si vous prenez un blanc, un noir, je crois que pour ceux qui ont fait le croisement chromosomique là-bas, vous voyez effectivement qu'à partir d'un certain moment, vous aurez encore 50% de race pure, c'est-à-dire que noir-noir, noir-blanc, et au moment donné, vous allez voir des choses tachetées. Maintenant, si vous continuez en prenant les sous-types de les produits de cette multiplication, en prenant celle qui est tachetée et celle qui est prise de façon pure de cette même génération, vous continuez à croiser, vous allez avoir les mutations génétiques des chromosomiques. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les chromosomes se mutent en donnant des formes diverses. Et à un moment donné, vous pouvez vous en sortir avec une coloration qui n'était pas à la première génération. Donc, effectivement, en prenant la loi de Mendel, en suivant le plan de Dieu, avec les variations climatiques, avec les influences des résultats violets et les nourritures, comme le signifiait le frère Yannick, nous arrivons à la modification petit à petit génétique qui influe donc sur la répartition uniforme de la mélanine qui est responsable justement de la coloration de la peau des yeux et puis des cheveux. D'accord? Maintenant, allons dans les Saintes Écritures. Vous y êtes? Baladons-nous dans les Saintes Écritures. On peut aller maintenant? Donc, pour ceux qui ont fait la science, ils n'aiment pas trop expliquer ces choses avec la science. Mais, c'est bon. Notez Genèse chapitre 25. On va voir quelque chose. Donc, en clair, et lorsqu'on va faire l'étude démographique, si vous regardez dans les études démographiques qui ont été faites sur ce plan-là, parce que cette question a été posée également par les scientifiques, vous regardez l'étude démographique qui a été faite, vous allez voir effectivement la répartition géographique selon les densités des ultraviolets dans différentes zones, que ça influe clairement sur le caractère. Donc, le bombardement de l'ultraviolet sur la vitamine A, sous les peaux, comme j'ai parlé de l'ADEME, influent effectivement et peut créer une métamorphose tout autour de cela. Vous voyez effectivement que vous, quand vous sortez, quand vous quittez votre continent pour venir ici, que vous soyez noir des souches, vous rentrez, l'influence du soleil, comme on a vu dans le livre des Cantiques, le soleil m'a noirci. Vous voyez effectivement qu'au fur et à mesure, pour ceux qui ont la peau blanche, ils vont commencer à bronzer. Par ce prolongement, la mélanine de la peau, la densité sera plus grande et puis par conséquent, la peau va toujours continuer à se noircir. À longue échelle maintenant, la mélanine, pour le cas des femmes également, pour les femmes qui sécrètent beaucoup plus de... Regardez encore qu'il y a l'influence de l'hémoglobine aussi. Donc cette modification dans l'hémoglobine, non seulement de l'hémoglobine, de la mélanine et des différentes substances pour le cadre féminin également sont manifestement reliées dans le résultat de ces modifications qu'on a. Donc quelqu'un qui quitte l'Europe par exemple, du continent du froid, il vient en Afrique pendant les saisons sèches, dans les saisons dites chaudes, vous allez voir effectivement, que vous soyez noir ou blanc, vous allez voir la modification justement sur votre peau selon la durée que vous y êtes. Et par conséquent, vous prolongez votre prolongation à long terme sous cette influence de l'ultraviolet amènera tôt ou tard la modification de la mélanine, c'est-à-dire la modification interne de l'organe régénérateur et régulateur de la peau et des cheveux. Donc, voilà ce que la science dit. Donc, il y a donc une partition géographique. Vous allez voir que les gens dans une zone ont une certaine caractéristique des cheveux. Mais ces gens, plus ils découvrent une autre zone en se déplaçant, cette modification au fur et à mesure dans leur reproduction postérieure de leur génération modifie également leur comportement dans le plan racial. Les cheveux, la couleur, les textures des yeux. D'accord, mon frère? Alors, le frère prend le cas des deux noirs qui ont accouché d'un enfant qui est... brun, qui est blanc et puis donc les yeux bleus. Si on remonte dans la généalogie de ces noirs, on va trouver effectivement qu'il y a des génotypes, les phénotypes dans cette lignée-là qui avait cette coloration, cette manifestement. Parce que ça ne peut pas venir. Comme lui, pasteur, a dit, il n'y a pas de génération spontanée. Il ne peut pas venir spontanément. Il doit découler de quelque chose. Ça veut dire que c'est pour ça qu'en science, on parle de caractère récessif. Ça veut dire que le papa, quand on prend deux personnes, un homme et une femme, qui donnent d'un enfant, albinos, l'étude de leur gène montre clairement que quelqu'un parmi eux, si vous avez fait cette étude chromosomique, montre clairement que quelqu'un parmi eux a cette substance, cette influence de chromosomes qui a modifié la mélanine et la peau de cette personne, si, en ce que nous avons appelé albinos, maintenant la drémacytose. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Comment, frère? Dominant, c'est le caractère qui était dominant. Oui, donc ça veut dire que quelqu'un a cela appelé le caractère récessif. Le caractère récessif, ça veut dire que c'est en minorité. C'est pour ça que cette personne, qui porte ce gène-là, n'a pas cette influence sur sa peau. Mais lorsqu'il reproduit, ce caractère-là peut se développer chez l'individu qui est produit à la première, à la deuxième génération. Et par conséquent, plus si ce caractère-là est dominant, si c'est dans le gène de la personne donc développe donc cette modification de sa peau. Et donc, vous allez voir encore maintenant, si cette personne, qui est albinos, croise encore une autre albinos et accouche d'un enfant, on va voir que cet enfant-ci peut être noir quand la première génération ou la deuxième génération et d'autres sont purement albinos. Parce que le caractère récessif qui est le noir également à l'intérieur de cette peau, la coloration de la mélanine est aussi récessif dans son corps et peut être relâché pour reproduire encore un noir. Donc, c'est ce paradoxe de multiplication en série et le déplacement géographique qui a amené cette multiplicité de coloration que nous avons aujourd'hui. Donc, en tout dans la vie, maintenant, ils voient comment ça a commencé. D'accord, frère? Je vous aime. Vous allez me faire rentrer encore dans le cours de science que j'ai abandonné depuis des années. Alors, Amen. Je voulais dire quelque chose à ce sujet-là. Oui, mon frère. Parce que si on compte peut-être du déplacement géographique, mais on remarque, par exemple, quand on voit l'Afrique, hein, où un Africain qui est venu, qui est immigré en Occident, des générations et des générations, oui. On se rend compte qu'il est resté toujours tel qu'il est. Dans les jeux, il est avec un père noir et une mère noire. Ils ont toujours été noirs, ça n'a pas changé. Et par exemple, le nez, quand on va faire le nez d'un blanc et le nez d'un noir, il y a une différence totale. Ça n'a rien à voir avec l'influence de la couleur ou... je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre, parce que je ne comprends pas. Mais vous dites que le jeune n'est pas lié à la... À l'influence, pour moi, je n'arrive pas à le concevoir, quoi. Bon, lorsque tu es là comme ça, quand tu vois ta peau là, c'est la peau, c'est la même peau quand tu étais en Afrique, vraiment. Tu es encore plus noirci, frère. Tu es encore plus noirci. C'est parce que il y a la chaleur qui est venue chez vous là maintenant. Donc, c'est une façon indéfectible, justement. Je crois qu'ensemble, on parle de mono-hybridisme avec le croisement de tests qu'on a été fait, la méiose et toutes les autres choses qui ont été réalisées. Ce qui est clair, c'est que les bombardements des ultraviolets sur l'hémoglobine modifie le caractère de déplacement des gènes dans le corps, touche dans le cadre du chromosome. On parle donc de mono-hybrides indépendants dans les 3 cas et dans les 1 cas. Donc vous allez voir effectivement que toutes ces choses-là ont de l'influence. Mais le vrai problème, c'est que, voici le vrai problème, ça ne se passe pas de façon, comment je vais dire, de façon directe, comme un peu comme vous mettrez du beurre sur un chauffage et que ça tient automatiquement. Ça se passe, la modification se passe doucement et lentement, voilà, de façon progressive. Que le Seigneur te bénisse. D'accord. Donc il y a l'influence effectivement du soleil là-dessus. En tout cas, lorsqu'on voit effectivement pour ces cas-là, nous voyons clairement que scientifiquement c'est prouvé et même dans la Bible, comme le frère lui, il dit je suis noir, mais c'est le soleil qui m'a fait quoi faire? Brûler. Donc ça dit que c'est voilà. Donc le frère dit quelque chose. Oui. Le frère dit quelque chose par rapport à ça. Oui. Là, par exemple, on dit que le fils de Dieu dit que les femmes, le fils et les hommes étaient belles. Oui. Ça n'a pas eu une influence à ce niveau-là. Voilà. Ça on va y arriver maintenant doucement. C'est pour ça qu'il va dans la Genèse. Parce qu'il faut qu'on dégage des choses maintenant. La nature de la couleur n'a rien à voir avec la multiplication des races des fils de Dieu, avec ces choses-là. C'est le caractère intrinsèque de la méchanceté qui est le prototype. D'accord, mon cher frère? On arrive là maintenant. On peut y aller? Je crois que dans un enseignement, il va falloir que je vienne vraiment en plein ici. Parce qu'il faut qu'on confronte toutes ces différentes doctrines. Genèse chapitre 25, prenons donc Genèse chapitre 25, voilà. Frère Willy, merci pour cette question-là. Tu as fait maintenant que certaines personnes sont dessus. Il n'y a plus de babadage. Tu viens de donner des questions compliquées ce matin. Alors qu'on veut prendre le matin, on prend de le déjeuner, la nourriture légère. Oui, frère, pardon. Pardon. Moi, je voulais juste, on va dire, compléter en lien la parole du frère Christian. Oui. Moi, je prends le cas de ma femme. Oui. L'hiver, donc il fait froid, le soleil est beaucoup moins présent, ma femme noircit. Oui. Elle devient plus noire que si elle était au soleil en Afrique ou même au soleil en France. Oui. Ouais, je ne sais pas où il y a les cantiques qui ont des sifflets pour prendre quelqu'un là. Donc c'est vrai, on dit qu'elle pourrait, si elle écrivait aussi cantique, elle devrait dire que je suis noir, mais c'est le froid qui m'a noirci. Pas vrai, frère? Donc c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, ça veut dire que le climat influence et influe sur la coloration, n'est-ce pas? Oui. Moi, je confirme que le climat peut influencer, peut-être, sur la couleur de peau, mais pas dans le sens de modifier totalement. Ah, genre, on voit la couleur. Justement, c'est en hiver que ma femme, noircit. Voilà. J'aurais tendance à dire que je pense que c'est génétique. C'est-à-dire que son corps se défend contre un climat dont elle n'est pas habituée, et pourtant, c'est le problème pendant des années qu'elle est en France. Néanmoins, il y a quelqu'un qui se trouve dans une zone où il y a la voiture et ça fait des bruits là. Je ne sais pas qui. Oui, je crois que le frère. Néanmoins, je disais. Je dis non, néanmoins, voilà. Je pense qu'il y a un côté, enfin, en tout cas, je pense qu'il y a au moins un côté génétique. C'est-à-dire que le corps se défend se défendre contre donc, le froid, par exemple, et du coup, ben, moi, je prends un cadre que je connais et que je vois, et du coup, la peau noircit plus que si ma femme était en Afrique. Oui. Et donc, quand tu vas en Afrique, qu'est-ce que ça se passe par rapport à ta peau? Qu'est-ce que tu constates, toi? Ben, moi, c'est différent, frère. C'est différent dans le sens, je pense que, en plus tu m'as lancé une phrase la semaine dernière. Moi je pense que j'ai peut-être des origines africaines. Quand je dis origines africaines, je ne parle pas forcément de l'Afrique centrale ou de l'Ouest du Sud, peut-être de l'Afrique du Nord. Je n'en suis pas sûr. Je n'ai aucune certitude là-dessus. Parce que moi j'ai une peau qui a tendance à bronzer facilement, ne pas rougir. Et justement, la semaine dernière, je me suis rendu compte que cette voix-ci a dit que tu es africain. Que du sang africain coule dans tes veines. C'est ça, n'est-ce pas? Mais quel était... Oui, tu m'as dit... Oui, quand tu as reçu ça, qu'est-ce que tu as... Oui. Ah, frère Junior, quand tu m'as dit ça, c'est comme si tu me dirais certaines autres choses. Je dis rien, je ne montre pas, mais au fond de moi, je souris. Je me dis, ok, d'accord. Après, je n'ai pas de réponse. C'est aussi une grosse question, là c'est personnel, je ne vais pas envahir le temps qui nous est donné aujourd'hui, mais personnellement, oui, j'ai beaucoup de questions. Pour faire simple, frère Junior, pardon, c'est pas du tout le sujet. Moi j'ai un grand-père, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas d'où il vient, donc c'est peut-être de là, je ne sais pas, ça va au-delà. En tout état de cause, mon cas à moi, je vais en Afrique, je bronze, je deviens, on va dire, marron facilement. Donc, en clair, tu peux toi-même dire que Willy a certainement une origine africaine, quoi. C'est possible, frère. Je n'ai pas ça. Voilà. La seule chose dont je suis sûr, frère, pardon de t'occuper, la seule chose dont je suis sûr, c'est que quand je suis en Afrique, je suis à l'aise. Voilà. Tu te sens à la maison. Oh, ça s'est déjà arrivé quand on me surnomme le maire de la ville, par l'endroit où je me trouve. Peut-être d'une façon... Une image, oui. Je suis très heureux dans ce continent. Bon, je souhaitais prendre le temps pour parler de l'influence de Isaac Newton, le physicien, le scientifique et physicien sur l'évolution de la génétique. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a écrit là-bas pour demander si la couleur n'est pas liée à l'influence génétique des chromosomes. Effectivement, c'est ce que j'en ai parlé dans l'hérédité, ça, c'est exactement l'étude de cela, donc, comme Francis Galton a exposé pour le mélange des sangs. Je crois que ces choses-ci dont sont en train d'aborder, c'est bien pour que les gens, parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter, les gens qui se posent des questions, avec toutes les théories qui a eu à être manifestées là-bas. Nous voyons effectivement qu'il est temps qu'on réponde à certaines questions qui étaient classées tabous et d'autres personnes parlent de sensibilité. Le fait vraiment que la Bible ne dit pas telle chose de façon directe, ça ne veut pas dire que la Bible n'est pas au courant de cela, ou que Dieu ne l'a pas programmé, ou bien ça surprend Dieu. Parce que Dieu a le dernier mot en toute chose. Vous avez noté Genèse chapitre 25, verset 25. Pendant qu'on y est, le temps que je cherchais cette Genèse, je vous pose une question. Je vais donner une citation. Et ça va nous, non, je crois que si il relance ça, ça va nous aller dans une autre direction. Prenons d'abord ce passage-ci, lisons, et puis on va essayer de commenter, on se voit. Nous remontons, nous sommes dans la Genèse. La Genèse, c'est le livre qui nous présente le commencement. Genèse, ça veut dire le commencement. Bereshit. Alors maintenant, je dis, nous voici maintenant au commencement et des peuples commencent à se mettre sur place. Vous avez posé à l'entame, ici, avant qu'ils nous rejoignent ici, le problème de Caïn, comment, au nom, où est-ce qu'il a vu, pris les femmes, ainsi de suite. D'autres étaient où? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes en dehors d'Adam sur la terre, ainsi de suite, à ce moment-là? Nous nous trouvons dans Genèse chapitre 25. Le verset 25 parle de qui? Maintenant, lisons. Quelqu'un va lire, c'est quelqu'un qui a le. Une connexion à bonne portée, je ne sais pas qui. Je vais le lire. Genèse chapitre 25, le verset 25. Oui. Celui qui sortit le premier était roux. Oui. Et velu. Oui. Comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Oui. Ensuite sortit son frère. Oui. Tenant à sa main le talon d'Ésaü. Oui. C'est pourquoi fut appelé Jacob. Isaac était âgé de 60 ans quand il naquit. Depuis, les enfants deviennent de temps grand, Isaac devint un habile chasseur le verset, le verset, des champs. Le verset 25 seulement, mon frère. Verset 25 seulement. On va y arriver. Oh. Voilà. Oh, le verset 25. Ta connexion n'est pas assez finie. Je sais pas pourquoi. Je crois que le frère Yannick a une connexion plus faible. Frère Yannick, tu peux nous reprendre encore ce même passage-là, s'il te plaît. Bien évidemment. Genèse chapitre 25, verset 25 dit. Oui. Le premier sorti entièrement roux. Oui. Comme un manteau de poil. Oui. Et en lui donnant le nom d'Ésaü. Voilà. Parce que Ésaü veut dire justement roux, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes frères? Le mot hébreu. Personne ne parle plus. Le mot hébreu qui est traduit là-bas par roux, c'est. Admoni, c'est-à-dire que qui rapproche vers le rouge. Oui, le frère, tu voulais parler? Justement, c'est ça même, c'était, je voudrais dire, c'est ça même. Voilà. Alors maintenant, nous nous trouvons maintenant dans un peuplade qui se trouve dans une dispensation et en même temps dans une zone géographique. Un père et une mère vont ensemble. Et souvenons-nous, celles-ci, les deux sont de la même famille. Rebecca et Isaac sont de la même famille, n'est-ce pas? Amen. Ils font maintenant donc l'expérience que notre frère Pierre a parlé tout à l'heure. Là, voici deux personnes donc qui vont ensemble et la couche d'un enfant et l'autre est roux. Alors, on se pose donc la question. D'où vient que celui qui est conçu à l'intérieur soit roux? Vous voyez? Prenez 1 Samuel chapitre 16, on va y aller. 1 Samuel chapitre 16, verset 12. Avant de revenir dans le livre de Genèse, maintenant, cette façon, on va aller de plus belle. Ce passage. Oui, le frère Benjeni, depuis là, je ne t'avais pas entendu. Ça, même pas. Donc, tout le monde a parlé, tu t'es caché. Comme je ne te vois pas. Oui, dis-nous. Ce passage, c'est un passage qui m'a également interpellé, et notamment celui de Genèse 31, où le Seigneur montre un peu sa puissance concernant les brebis là. Oui. Lorsque. Non, nous allons venir, les brebis tachetées de Jacob, n'est-ce pas, chez Laban. Voilà, nous allons y revenir. Mais déjà, par rapport à ce passage du verset 25 de Genèse, qui parle de l'enfant Ésaü et d'homme qui est sorti, qui est roux, qu'est-ce que tu en penses par rapport à sa coloration? Donc, on peut dire que Ésaü était rouge, n'est-ce pas? Oui, frère. Voilà. De ce côté-là, je pense, en fait, le Seigneur fait varier les choses. Selon son dessein. Ah, les gens, les scientifiques vont vous insulter quand on parle n'importe quoi, vous parlez du Seigneur, on parle n'importe quoi, vous parlez du Seigneur. 1 Samuel chapitre 15, allons-y, 1 Samuel chapitre, non, chapitre 16, pardon. 1 Samuel. Oui. Oui, je disais, en parlant de Esaïe et Jacob, de ça, le Seigneur a bien dit que s'il y a deux, quand elle est participée devant le Seigneur, le Seigneur lui a fait comprendre qu'il y a deux nations dans son ventre. Dans son ventre. Oui. Mais donc, deux nations veut dire que deux races différentes, non? Exactement, puisque c'est deux nations, n'est-ce pas? Oui. Donc, dans la pensée de Dieu, il voit effectivement une nation constituée de couleurs différentes, n'est-ce pas, frère? Tout à fait. Et on va sortir avec cette conclusion. Et on va aboutir à cette conclusion que la coloration et les différentes diversités voulues par Dieu étaient inscrites dans les différents chromosomes. Et Dieu lui-même, en dispersant les gens sur la terre, ces chromosomes devaient au caractère récessif ressorti plus tard pour donner cette diversité. C'est la conclusion biblique de ces choses-ci. D'accord, frère? Voilà. 1 Samuel chapitre 16. Je me sens bien dans ce travail que le Seigneur m'a envoyé faire sur la terre. Je me sens vraiment bien. Vraiment Amen. Bien. Amen. Voilà. Amen, frère. 1 Samuel chapitre 16, Amen. Le verset 12. Qu'est-ce que ça dit? Souvenez-vous que, pardon, quand vous y êtes, souvenez-vous que cette modification de la coloration et les différents génotypes dont on a fait et que dans les sciences, les lois de Mendel en parlent avec tous les autres, Isaac Newton, souvenez-vous que ce n'est pas seulement quelque chose, une fatalité pour les hommes. Ce n'est pas seulement chez les hommes qu'on observe cela. On observe ça dans le règne animal. Souvenez-vous de cela. 1 Samuel chapitre 16, verset 12. 1 Samuel chapitre 16, verset 12 dit. Pas 1 Samuel, 1 Samuel frère. 1 Samuel frère. Oui. Oui. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond. avec de beaux yeux et de une belle figure. Voilà. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Voilà. Comment était David? Blanc. Il était blanc. Dans votre version, on a traduit par blanc, mais normalement, c'est une faute, parce que le même mot hébreu là-bas, c'est le même mot qu'on venait de retrouver dans le livre de Genèse, chapitre 25, verset 25. Non, normalement, David n'était pas blanc, il était rouge. C'est le même mot hébreu qui est écrit là, Admoni, qui est écrit là-bas dans ces livres là-dedans. Souligné pour vous, les amateurs des versions électroniques, je ne sais pas comment vous allez faire. Mais dans votre Bible, si vous avez la Bible que vous pouvez écrire, souligné, vous mettez entre parenthèses, vous mettez là-bas, roux. Donc, David était roux. Que Dieu vous bénisse. Merci encore, frère Willy, pour cette question. Ça nous permet de travailler dans les Saintes Écritures. Faisons un détour dans le livre de Jérémie maintenant. Tout à l'heure, vous avez abordé le chapitre 18. Faisons-y un détour encore avant de rentrer dans le livre de Genèse. On va lire quelques passages. Oui, frère. Mm-hmm. Ça répond, je pense que ça répond aussi à la question du frère Oswald. Hein? Donc, il a commencé à cette question avant que tu ne te commettes. Oui, dis-nous quelle était la question, mon frère. C'est la même chose avec la question du frère Willy. Il avait posé la même question. Hein. C'est la même question. Et c'est de là que Willy a eu la réflexion, justement. Puis, ok, voilà. Dieu merci, je n'étais pas là. Vous avez conformanté un coup d'état derrière mon dos. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, donc, au sorti là, je vais poser la question. D'accord. Je vais aussi vous poser une question qui concerne ceci. Oui. Comment, mon frère Olivier? On dit coup de prophète, pas coup d'état, voilà. Coup de prophète. Ok, merci. J'ai dit qu'on va dans quel livre, là? Merci, mon frère Olivier, pour la rectification. Coup des apôtres, coup des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Mais... Alors, on va dans quel livre? J'ai dit quel livre, là, mon frère? Vous me dites, et puis je vous donne les références. Jérémie. Jérémie, ok, donc allons. Jérémie. Allons dans Jérémie, chapitre 13, donc. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Verset. Vous y êtes? On y est, frère. Verset 23. Verset 23. Mmh. Écoutez, lisez doucement et bien, et on va prêter attention. Allons-y. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal? Voilà. Maintenant, je veux qu'on analyse ce que Dieu a dit. Il a voulu parler de quelque chose au milieu d'Israël, comme une gangrène qui dérange Israël. Ils sont incapables de faire le bien. Vous voyez cela? Mais il parle d'une certaine chose qui nous donne les réponses par rapport aux questions que nous sommes de nous poser aujourd'hui. Relis encore, mon frère. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal? Les scientifiques d'aujourd'hui ont dit oui. Ils ont répondu à cette question sur oui en faisant le Nyansan pour les femmes. On voit les Africains aujourd'hui. Quelqu'un, pour ceux qui ne connaissent pas le Nyansan, c'est un produit. Vous le voyez sur les photos, sur les réseaux sociaux, une femme qui dont la jambe gauche est noire, l'autre jambe est brune. D'autres qui ont les doigts qui sont, et vous voyez même les pasteurs, n'en parlons des Congolais. Vous voyez, les yeux sont noirs, la peau est noire parce qu'elles ont fait du maquillage. Donc, ils ont changé, brûlé la mélanine de la peau et puis les effets. Je crois que dans le cadre des médecins pour Jésus, nous allons voir les méfaits de du changement de peau et de ces produits appelés les l'hydroquinone sur la peau. D'autres injectent sous la peau. Effectivement, vous voyez, ceux qui injectent ces produits-là sous la peau, ça modifie la mélanine et ça donne une coloration sur la peau. Je crois que vous pouvez voir effectivement qu'en injectant des produits étrangers qui modifient le comportement de ces peaux, ces femmes-là ne sont pas au courant de ce qui arrive. Elles voient juste la modification de leur peau. Et si la modification de la mélanine amène la modification de la peau et la coloration, et nous comprenons que c'est un facteur génétique, ces personnes, ils sont en train d'influencer comme ça leur gène sans s'en rendre compte. à longue échelle, dans les générations futures, des personnes vont porter certaines maladies génétiques dont on ne connaît pas l'origine. On ne saura pas que c'est depuis la première génération, les gens ont injecté quelque chose dans leur peau et ça a modifié ces comportements-là. On va avoir des gens qui vont naître avec la bouche au niveau du nez, les yeux au niveau des oreilles. Ils vont se poser la question que mais ces gens se sortent d'où alors que c'est eux qui ont créé ces problèmes-là. Comme la Bible a déclaré, Dieu a créé les hommes droits, ils ont pris de beaucoup de détours. Alors, le verset 21 de Jérémie chapitre 3 dit, Jérémie chapitre 13 dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? C'est qui un Éthiopien? C'est l'homme noir. C'est l'homme noir. Alors, maintenant, je crois qu'il y a une vidéo, espèce vidéo que je vous avais envoyé sur le lien ici, une fois. Voilà. Voici quelqu'un qui nous sait ça. Il y a déjà. Vous voyez le plantain. Je crois que tout le monde voit sur son écran là, le frère qui a envoyé. Je ne sais pas d'où il sort. Il dit que j'ai des frères ici. Je peux compter sur vous vraiment. Vous voyez comment le frère. Regardez le doigt de cette femme là et vous regardez le plantain rôti. Le frère Willy, tu vois ça, non? Donc, tu vois le plantain rôti sur un feu d'un côté. Je ne sais pas qui a fait ce montage des photos, Photoshop. Que Dieu bénisse cette personne s'il se souvient de lui également dans son avènement. Vous voyez effectivement que les plantains sont disposés comme le doigt de cette femme. Vous-même, vous avez vu, n'est-ce pas? Voilà donc ce qui arrive. Le doigt de la femme est exactement comme le plantain grillé sur des grillades. Voilà donc ce qui arrive avec la modification de ces choses-là. Alors, je t'ai dit, donc, voici Dieu dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Je vous avais mis une vidéo ici où il y avait une femme blanche également qui a commencé à injecter de la mélanine dans son corps pour modifier, pour parler de la, que son corps a commencé à modifier doucement, doucement, pour devenir noir. Donc, ils ont cherché jusqu'à arriver là-bas que même les blancs veulent chercher à devenir noir. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment avec les hommes ici sur cette terre? C'est terrible. Je crois que c'est quelqu'un, cette vidéo-là, vous envoyez le lien là pour que les gens voient plus tard. Cette femme qui parlait de modifier son corps. J'ai vu encore une autre photo qu'on m'a présentée. Je ne sais pas où les gens passent le temps à inventer des choses, ou c'est le mensonge qu'on dit sur les femmes. Des femmes qui achètent des silicones, des femmes, il y a des seins en artificiel. Elle place là-dessus sur le corps et elle porte les bretelles brillantes là. Et on croit que ce sont les seins. Et elle fait comme ça, elle porte des tricots. Donc les hommes là, quand vous regardez les seins, vous regardez cette femme a les seins fermes. Ne vous inquiétez pas, vous allez épouser le nylon. Et quand vous allez aller à la maison, vous allez savoir vraiment que c'est le nylon que vous avez accouché. Marié. Maintenant, les femmes vont nous tuer. J'ai encore vu une autre photo, d'autres, c'est les mollets artificiels. Vous cherchez même quoi, vous, les femmes là? Les mollets artificiels. On achète les mollets, on colle. Pourquoi on est une mollet? Ah non, non. Prenons une respiration musicale, on revient, n'est-ce pas? C'est quand même terrible. Il y a les fesses, mon frère. Il y a les fesses, même. Les fesses artificielles. Oui, quand on porte, c'est comme un short. Tu portes et c'est bien, on bondit derrière. C'est quand même terrible, ça. Donc, de toute façon, prenons une respiration musicale et on revient, d'accord, frère? Amen. Les femmes vont nous finir. Maintenant qu'on a touché les femmes, maintenant, une femme est sortie parler. Depuis qu'on parle des noirs, la personne ne parle. Des colorations, là, maintenant, personne ne parle. Que Dieu bénisse. L'âme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais selon les plaisirs et désirs de ce monde. Réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, tu t'as convaincu. Mais dis-toi qu'un jour, tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour, tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours que tu vis, et qu'on se verra au paradis. Recherche le pouvoir pour que les hommes t'acclament, mais que te saisir de gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras. Pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour moi je marcherai près de lui. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Hey, est-ce qu'on se verra? France dans la sainteté, rebonjour. Rebonjour, mes bien-aimés frères. Bonjour, Frère Junior. Avant que nous prenions cette respiration musicale, nous étions dans le livre de Jérémie, chapitre 13, le verset 26, enfin, le verset 23. Où le Seigneur pose la question, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et il ne se limite pas là. Il parle, il continue en disant, et un léopard, ses tâches. Quand il parle de léopard, quelles sont les tâches qu'a le léopard dont Dieu est en train de demander que ce n'est pas possible qu'il se le change? Vous connaissez au moins l'animal appelé le léopard, n'est-ce pas? Les tâches étaient de noir. Les tâches étaient de noir. Et vous voyez effectivement les zèbres là, vous voyez effectivement les tracés qu'a le zèbre tout au long de son corps. Le zèbre peut être considéré comme le cheval d'un certain type, mais sa modification, enfin sa coloration et son habillement a été donné par Dieu pour pouvoir l'embellir. Et Dieu dit, c'est les taches qui sont sur le léopard, il pose la question si on peut changer cela, si il peut changer cela. Quelle est la réponse, frère? Pas du tout. Voilà. Pas changer. Voilà. Mais ici, Dieu, en posant les questions, nous donne le renseignement sur la couleur des Éthiopiens. N'est-ce pas, frère? Tout à fait. Voilà. Rentrons dans le livre de Genèse. Souvenons-nous, on a lu Genèse chapitre 25, verset 25, pour montrer effectivement que Édom était roux. On a vu que David lui-même était rouge. David n'était pas noir. David n'était pas noir. Donc, amis, amateurs des patriarches, que tous les patriarches étaient noirs, Abraham était noir. Même si ça vous fait n'importe quoi. Dieu est noir, les anges sont noirs, Jésus était noir. On arrive. Genèse, maintenant, allons dans le livre de Genèse. Voilà, maintenant, je viens de dire quelque chose, une déclaration maintenant en totale contradiction avec les amateurs des panafricanismes et des retours aux sources des berceaux. Que pensez-vous donc de cette déclaration longtemps martelée dans nos esprits? L'Afrique, le berceau de l'humanité. Je veux que nous en parlons maintenant. Face à la Bible, c'est fausse. Démontrez votre assertion. La Bible. C'est engendré toute la génération du monde. Pardon, mon frère. Il n'est pas, on n'était pas perçu. Ta connexion dérange. Vous m'entendez? Maintenant, c'est bon. J'ai parlé, Dieu nous a classifié les choses par rapport à des générations. Donc, il y a Adam et Ève qui sont les premiers créés de la main de Dieu. Et deux, Dieu a béni leurs entrailles afin vraiment de reproduire. Cette fois-ci, ça ne doit pas se faire comme Dieu l'a fait, mais c'est eux qui doivent reproduire. Dieu a mis en eux des génotypes, tout ce que nous avons, que nous sommes en train de décrire. Nous voyons, quand nous voyons des choses, la variété même des arbres, la variété de la couleur des arbres, des animaux, tout ça, Dieu c'est pour nous parler de beaucoup de choses. La couleur, c'est Dieu qui l'a créée, ces différentes couleurs-là. Donc, dire que l'Afrique, il y a comment on appelle la politique derrière ça, mon frère, il y a de la politique, il y a la façon de séduire, tout ça. C'est le mensonge qu'on peut ériger pour pouvoir vraiment se moquer des gens simplement. Moi, je trouve qu'il y a des mensonges derrière tout ça. Frère Junior. Oui. Par rapport à cette histoire de couleur, je pense que dès le départ, le Seigneur avait placé ça en Adam qui engendre. Exactement. Donc, tout ça était dans lui. Et maintenant, il fallait que plus tard, ça se manifeste en fait. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur a prophétisées. Et il y a d'autres qu'on a vues, d'autres qu'on n'a pas encore vues. Oui. Donc, je pense que cette histoire, ça, c'était déjà tout ça, quand il a créé Adam, il avait déjà tout mis ça en lui. Mmh. Et maintenant, il fallait que ça se manifeste. Merci beaucoup, ma soeur. On va transporter ça sur le plan spirituel de l'heure lorsqu'on va voir le Christ Jésus. D'accord? Avec nous, les chrétiens de toutes les autres couleurs, toutes les autres races, nous allons voir effectivement qu'il y a la mélanine spirituelle. Voilà. Quelqu'un voulait parler là? Oui. Frère, moi. Oui. La question? Vas-y, frère. Vas-y, parle, frère. Je t'écoute. Je voulais dire, par rapport à la déclaration, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui. Pour dire cela, il faudrait déjà où était le jardin d'Éden. Oui. Si déjà on ne connaît pas la position du jardin d'Éden, et on nous dit que Adam a été pris au jardin d'Éden, et ensuite, il a même été chassé à l'orient du jardin d'Éden. Mm. Donc, l'une des premières logiques bibliques voudrait que ces gens, avant d'établir cela, puissent au moins être déjà situés où le jardin d'Éden était et où l'Orient du jardin d'Éden était en fait. Bon, comme ils ne connaissent pas directement, quand ils ne connaissent pas directement, il faut dire cela comme ça, ils modifient leur déclaration. Où est-ce que le jardin d'Éden se trouvait, frère? Moi, je cherche encore. Donc, tu comprends effectivement qu'ils ont dû chercher, fatigués, n'ont pas pu trouver, et puis ils ont donné leur postulat. Quitte à ce que les gens viennent me notifier plus tard, n'est-ce pas, frère? Où s'est trouvé le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Mais la Bible donne la géographie du jardin d'Éden, la position du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Amen. Oui, mais alors je te pose une question. Est-ce que la Bible dit que l'homme a été créé dans le jardin d'Éden? Il a été créé et amené dans le jardin d'Éden. Donc on l'a créé quelque part d'autre, en dehors du jardin, n'est-ce pas, frère? Amen. Alors, je repose encore la question. La question subsiste. La session selon laquelle l'Afrique est le berceau de l'humanité. On entend dans tous les médias. Est-ce que cette assertion-là est juste, est droit, est bon, est vrai? Oui, frère. Oui, frère Willy. Tu as dit la semaine dernière que il fallait s'attendre que le continent africain allait devenir le point d'appui sur lequel aujourd'hui c'est l'inverse. C'est-à-dire que le continent africain a toujours été dénigré. On a toujours dénigré l'Africain. On a toujours considéré que c'était des gens et non que rien. Pour faire simple. Avant que tu dises ça, je suis convaincu que le continent africain, pour moi, ça devrait être un des lieux que Dieu va protéger. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que je suis dans la vérité? Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que toi, la semaine dernière, tu nous as traduit ta parole, selon que, il fallait s'attendre à ce que les gens regardent le continent africain différemment. Maintenant, là, c'est par rapport à ce que tu es en train de dire, par rapport, je n'étais pas au courant que les médias, d'une certaine manière, commencent à dire que le continent africain est le berceau. Il faut avoir conscience que nous vivons dans un monde où, quand on lâche des choses comme ça, c'est pour commencer à habituer l'être humain à quelque chose. Ouais. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas forcément une certitude. C'est quelque chose que je ressens en ce moment et que c'est une forme aussi de question. Maintenant, est-ce que ils sont en train de préparer l'être humain? Parce que faut avoir conscience d'une chose. Tout ce que l'on découvre, nous, en vivant avec Dieu, en grandissant avec lui, Satan est au courant. Satan a conscience de beaucoup de choses. Exact. Je pense que Satan a conscience que le continent africain, qu'il a toujours fait en sorte de d'appui, finalement, il s'aperçoit que s'il doit se passer ce qui doit se passer, ça se passera. Donc, je pense que ils sont en train de vouloir mettre dans l'esprit des gens cette chose pour préparer, on va dire, leur plan. Quel plan, je ne sais pas. Moi, je suis, je ne réponds pas à la question. Je ne réponds pas à la question, est-ce que c'est effectivement un garçon? Mais, en tout cas, moi, je suis convaincu que Satan, comme il est au courant de ça, comme il est au courant exactement de la situation du continent africain, de l'avenir du continent africain, je pense que c'est qu'il commence à en parler. Un peu comme vouloir avancer toute autre chose. Je rappelle, ça n'a rien à voir, c'est juste pour comprendre. Je rappelle que si les plans satanique ont fait qu'ils ont décidé il y a maintenant un peu plus de 10 ans faire la guerre en Afghanistan. Pas pour faire la guerre en Afghanistan, c'est simplement pour déployer une armée, simplement pour fouiller, je dis bien fouiller les terres afghanes, parce que Satan cherche où sont les géants qui sont en train de dormir. Donc, en fin de compte, dites-vous une chose, c'est que toute chose qui se dit ou toute chose qui se fait, c'est simplement pour des calculs, c'est simplement par intérêt. Donc, la guerre en Afghanistan, ce n'est pas du tout pour faire la guerre à ce pays-là, c'est simplement parce que Satan pense que Dieu a caché les géants sur ces terres-là. Donc, en fin de compte, quand, les militaires, quand les armées ont fouillé mètre carré par mètre carré pour soi-disant trouver des caches d'armes, c'est entièrement faux, frère et soeur. C'est simplement pour essayer de détecter, de trouver où sont ces géants. Mais non, maintenant, Satan n'a pas compris que si Dieu veut cacher quelque chose, il le cachera et on ne le trouvera pas. Exact. Merci, frère Willy. Vous voyez que le pasteur Willy, il est toujours là, c'est toujours un plaisir encore de délecter de sa source. Merci. Ces géants-là, justement, nous allons aborder parce que ça fait partie de ma question. Quand tu as parlé, justement, j'ai noté parce que j'ai noté mes questions que je vais vous poser tout à l'heure. Vous savez, je vais vous poser mes questions. J'arrive avec mes questions tout à l'heure. D'accord, mes frères? Oui. Alors maintenant, est-ce qu'on. Je crois qu'avant avant que vous n'ayez cette interruption-là, j'étais en train d'aller dans une direction. Je ne sais pas si je vous ai donné un verset biblique ou un passage où on devait lire. Dans Jérémie 13, 23. Oui. Donc, on a développé là-bas, on a vu effectivement que Dieu nous a donné un renseignement par rapport à la couleur de la peau des Éthiopiens là-bas, n'est-ce pas? Maintenant, rentrons dans le livre des Genèse. On va voir après le déluge. On va lire et on va envoyer un autre renseignement que le Saint-Esprit va nous mettre depuis la Genèse. Parce que maintenant, avec le remplissage de la terre, on peut avoir eu tout genre de modifications. Mais lorsqu'on revient plus vers l'original, quand on était peu nombreux sur la terre, on peut essayer de percevoir ce qui s'est passé avant de toucher toutes ces lois de Mendel, les scientifiques, tout ce que les scientifiques disent. Mais en rentrant, plus on va rentrer, plus on va voir effectivement que ce n'est pas en quelque sorte un problème scientifique, mais un problème voulu par Dieu. Comme la sœur a dit, signifie effectivement, et c'est ce qui est dans le langage de Dieu ici codifié, c'est que tout ce que l'homme va développer sur la terre, va déployer sur la terre, a été déjà mis à l'homme dès le départ. C'est-à-dire que les couleurs de la peau, et les couleurs de toutes les autres modifications étaient dans les premiers parents. Et Dieu devait les dispatcher. Il y a un bruit de quelqu'un. Ça crie. Genèse, le frère Pierre en train de parler, il ne sait pas, son téléphone est fermé, son micro est fermé. Allons dans le livre de Genèse au chapitre 10. Genèse chapitre 10. Voilà. Maintenant, nous sommes dans Genèse chapitre 10. Souvenez-vous, dans Genèse chapitre 6, Dieu fait un constat sur la terre et la méchanceté. Il prend la résolution de détruire. Il s'est choisi une famille à qui il a accordé la rédemption d'échapper à son jugement. Noé, sa femme et ses enfants, au son nombre de 8 dans l'arche, ils vont sortir de l'arche. Maintenant, Dieu va faire une alliance qui ne détruira plus la terre par la suite maintenant. Et maintenant, on va nous dire, à partir de Genèse chapitre 10, maintenant, comment la terre a été peuplée. Maintenant, ici, c'est le Créateur. Ça, c'est le livre du Créateur. Donc, ici, maintenant, si ce livre ci dit quelque chose maintenant, et que la science dit n'importe quoi, même si la science dit, je vois avec mes deux yeux qu'ils ont raison, je prends ce que la Bible a dit. Allons dans Genèse chapitre 10. Lisons à partir du verset 1. Qui va nous lire cela? Genèse 10. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méjec et Tiras. Doucement, frère. Vous voyez, normalement, il faut que j'explique certaines petites choses. Vous allez voir qu'en réalité, dans plusieurs cas de la Bible, vous allez voir que des parents géniteurs dans un endroit ont donné leur nom dans les localités. Par exemple, si vous lisez Genèse chapitre 4, vous allez voir que Caïn, que l'un des fils de Caïn a bâti une ville donnant le nom de son fils Enoch à cette ville-là. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Le patriarche Jacob, par exemple, le pays d'Israël a pris le nom. Son nom vient d'Israël. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ici maintenant, on parle des fils de Japhet. On dit Gomer, Magog. Vous voyez effectivement que Gomer, Magog sont des noms des pays maintenant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'on parle de la Russie depuis la Genèse. Vous voyez, n'est-ce pas, frère? Alors, maintenant, puis on parle, après Madaï, on parle de Javan. Lorsque vous allez dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 11, lorsque l'ange va finir de lui parler, va délivrer son message, il va dire qu'il s'en va. Le prince de Perse, il était auprès des rois des Mèdes et des Perses depuis. Et il dit que quand il va s'en aller, le prince de Javan viendra. Et Javan, c'est l'un, sur le plan humain, Javan c'est un fils de Japhet. Mais maintenant, ce Javan a engendré, donc a créé, a fondé un pays qui a pris son nom, Javan. Et donc, Javan maintenant, le nom moderne, c'est la Grèce. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous voyez que de la Genèse, ici, on situe clairement l'origine des gens dans la société grecque. Mais maintenant, avec les flux, avec les différentes guerres, les différentes migrations, les peuples ont été mélangés. Pour ceux qui sont en Allemagne, par exemple, ou bien même en France, vous voyez effectivement que si vous lisez l'histoire de la France, vous allez voir que les peuplades ont fait des migrations et autres. Là-bas, les hispanisants sont venus, les germaniques sont venus, ainsi de suite, mélangés, les flamands sont venus, ainsi de suite. Donc, personne ne peut dire clairement, de façon claire, clairement plus claire, qu'il est authentiquement un autochtone. Vous voyez, avec tous ces flux migratoires qui ont eu lieu. Ce n'est pas seulement dans notre siècle qu'il y a le flux migratoire. Il y en a eu tellement de différents flux migratoires. Parlez seulement de l'histoire de l'Allemand. D'abord, l'Allemand, le German. Comment ils sont venus. Lisez l'histoire de l'Allemand, vous allez voir effectivement cet exemple typique. Par rapport, quand Hitler vient, il veut la race blanche, la race prédominante. Il oublie que lui-même, il est d'une souche mauvaise qui n'est pas de l'Allemand. Donc voilà autant de choses que nous avons sur la terre. Donc, je veux de vouloir signifier que beaucoup de personnes, beaucoup de villes que nous avons, beaucoup de pays que nous allons rencontrer dans la Bible portent les noms de leur père. D'accord, frère? Voilà. Donc nous venons de voir ici dans le verset 2, les fils de Japhet furent Gomer, Magog et autres. Donc vous voyez, effectivement, on se situe directement. La Russie, on va parler de la Russie maintenant, de la Grèce, les zones proches de la Chine. Vous parlez de la Tchétchénie et autres là-bas. La Tchétchénie, la Yougoslavie. Vous me suivez, frère? Donc voilà, on commence à les situer ici. Alors maintenant, continuons maintenant, mon frère. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Repha et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Donc on a parlé des îles. Donc quand vous allez à l'île de la Réunion, à l'île de Biancon, vous voyez cela, non? Vous commencez à voir que les différentes îles, dans ces différents domaines, les gens sont partis. Au fur et à mesure, la subdivision y a été. Vous allez confirmer, vous allez tourner maintenant, vous allez comprendre. Et dans certaines parties du monde, d'autres personnes, d'autres groupes de personnes mangent des êtres humains. Quoi qu'on a vu sur des réseaux sociaux, comment les gens en Philippines ou en Thaïlande, qui tuent un être humain et ils mangent. Ils considèrent les autres comme les animaux. C'est quand même terrible ce qu'on peut avoir. Mais si on regarde, on revient à la Genèse, on voit que nous tous, nous sommes issus de ce peuple-là dessus. Que vous l'admettez ou non, la Bible est claire, Noé, et comme on va voir ici, Noé avait trois fils, Japhet, Sem et Cam. Et la Bible est formelle, toutes les nations ont été remplies par ces trois-là. Donc que vous le voulez ou pas, soit ton ancêtre c'est Japhet, soit c'est Cam, soit c'est Sem. Vous voyez cela, n'est-ce pas frère? Donc voilà les trois. Maintenant, quelle était leur coloration? Nous allons voir maintenant. Nous allons voir que, en réalité, parmi les peuples, les trois qui sont sortis, il y avait un noir dans le bateau. Donc, vous voyez effectivement qu'en réalité, dans le bateau, se trouvait un noir. N'est-ce pas, mes frères? Oui, frère. Allons-y. On va y arriver. Voilà. Verset 6. Les fils de Cam furent Cush, Mishraïm, Ut et Canaan. Arrêtons-nous d'abord. Il dit les fils de Cam furent Cush, Mishraïm. Mishraïm, c'est ce que vous appelez l'Égypte. Hein, donc, le Mishraïm, c'est le nom original de l'Égypte. D'accord? Vous avez mon frère? Non, je suis mon frère. Voilà. Donc, il dit les fils de. Nous sommes en quel verset là déjà? 6. Le verset 6. Voilà. Les fils de Cam furent Cush. Soulignez Cush. Vous y êtes? Voilà. Cam veut dire chaud, bouillant. Donc quelqu'un qui a le sang chaud, comme vous voyez, comme les Bassa. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les Bassa de Cameroun. Pour ceux qui connaissent les Bassa. Alors donc, Cam veut dire celui qui est bouillant. Donc vous voyez effectivement que les noms des gens n'étaient pas donnés au hasard. C'est pas aujourd'hui quand on regarde Jennifer le père, tout le monde dit que non, ma fille va s'appeler Jennifer. En tout cas, même si vous donnez Jennifer, vous donnez à cause de quelque chose. Donc, vous voyez, Le garçon de Esaü qu'on a vu tout à l'heure dans Genèse chapitre 25, quand il est né, il est appelé Édom. Que veut dire Édom? Un roux. Donc on le donne le nom à cause de sa coloration. Que veut dire Couche? On dit les fils de Cam furent Couche. On commence par Couche. Que veut dire Éthiopien? Ça veut dire noir brûlé par le soleil. Donc l'un des fils de Couche, puisqu'on a vu qu'il y a Japheth, Sem et Cam. Donc vous voyez effectivement que le fils de Cam était noir, le premier fils. Si on considère donc la loi de Mendel à la première génération, ce génotype là, ça montre clairement que Cam, lui, il était comment, mes frères? Noir. Vous commencez à me regarder comme ça, vous voyez comment le frère Christian qui me persécutait tout à l'heure, le voilà maintenant. Les veines lui sont déjà sur les cheveux. Non, mais frère, oui. En fait, c'était là où était portée ma pensée. Hein. Oui. Dans ma tête, j'ai toujours convaincu qu'en Adam, on avait déjà mis tout cela. Amen. Tout. Moi, c'était ma pensée là-bas. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas changé cette pensée-là. Voilà. Donc, depuis que les gens m'ont souvent interrogé sur la diversité, Donc, dans ma tête, ça a toujours été qu'en Adam, il y avait déjà tout ça. Amen. Et par exemple, ça se matérialise. Ouais, et la matérialisation va se faire ici. Donc, ça veut dire que les différentes colorations que nous allons, de cette diversité qu'on va observer sur la Terre, maintenant, vont venir sur ces trois-ci. Donc, il y avait les trois principales colorations dans le bateau. Maintenant, regardons ici. Il dit, les fils de Cam furent Couche, Mishraïm. Il dit, Mishraïm, c'est l'Égypte. D'accord? Et maintenant, vous voyez que couche, donc c'est noir brûlé par le soleil ou bien éthiopien est là, d'accord? Donc, vous voyez effectivement que cette personne, en tout cas, lisons, continue mon frère, lisons encore verset 6 et suivant. Alors, les fils de Couche, Saba, Avila, Sapta, Raema, Sapteka. Les fils de Raema, Seba et Dedan. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Stoppons là-bas. Vous parlez. Vous voyez, quand les gens s'effacent souvent, c'est comme on dit que c'est comme si la race noire est maudite. En fait, il y a des raisons qui peuvent porter à croire. Parce que vous allez voir effectivement que ce Nimrod-ci, c'est quelqu'un qui est un grand opposant, le premier opposant de Dieu. N'est-ce pas, frère? Il vient de quelle lignée? Continuons la lecture. Alors, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Oui. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est mal traduit. Il ne peut pas il ne peut pas être vaillant devant le Seigneur. Vous voyez cela? Parce qu'en réalité, c'est un opposant. Son nom Nimrod même parle de la rébellion. N'est-ce pas ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas cela. Alors, continuons. On va y arriver. Continuons, mon frère. Il régna d'abord sur Babel, Erec, oui. Akkad et Calné, oui. Au pays de Shinéar. Donc cette personne s'est dominée dans la zone d'Irak. N'est-ce pas, frère? Le pays de Shinéar, comment vous me regardez comme ça? Le pays de Shinéar, c'est là-bas, non? Tout à fait. Alors, ça veut dire que quand vous voyez effectivement les Africains... Monsieur le frère Olivier. Que l'enfant dit que son père est en train de travailler depuis, il n'a pas encore mangé. On peut avancer, frère. On peut avancer. Non. Donc, vous voyez que quand les gens disent, voici la généalogie et la répartition géographique originelle. Maintenant, on dit que cette personnalité a régné d'abord sur Babel, sur le pays de Shinéar, là-bas. Et nous voyons effectivement que son père était noir. Donc, même si sa couleur était n'importe comment, il portait en lui, comme on a vu dans le cadre des lois de Mendel, ce caractère récessif, donc de la coloration noire. Donc, en réalité, quand vous dites que non, nos ancêtres en Irak étaient des noirs, ils étaient des arabes, les arabes sont venus hier, pas vrai? Et nous allons voir effectivement maintenant, je crois que nous sommes en train de parler des arabes aujourd'hui. Nous voyons effectivement que si on veut parler donc de la souche même des Africains, ils sont aussi des côtés de Babel. Donc, l'Irak aussi leur appartient. N'est-ce pas ce que c'est, ses frères? Tout à fait. Continuons la lecture. Alors, de ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Calac et Rezin entre Ninive et Calac. Donc, vous voyez effectivement comment on parle de la Ninive de la Syrie maintenant, n'est-ce pas? La zone de la Syrie se trouve maintenant du côté de l'Occident, à l'Occident de Chinéa, n'est-ce pas? Donc longtemps dans cette zone-là, vous voyez effectivement la population qui est peuplée. Maintenant, là, je pose la question, comment a-t-il fait donc pour venir juste, comment a-t-on fait pour arriver jusqu'ici? Et que maintenant, on dit que maintenant le berceau, donc c'est ici. Souvenez-vous que dans les temps reculés, donc justement, avec les différentes dislocations de continents, les continents ne sont pas répartis tels que nous voyons, nous observons maintenant sur le globe. C'est ça, c'est un autre problème encore qu'il faut falloir qu'on assimile. D'accord, mes chers frères? Oui. Continuons. Et raison entre Ninive et Calac, c'est la grande ville. Misraïm engendra les Ludim, les Ananim, mm-hmm. les Lehabim, les Naphtulim, les Patrusim, les Kasluhim, mm-hmm. d'où sortent les Philistins, et les Kaphtorim. Voilà, donc ouais, effectivement que nous sommes un proche parent des Philistins, et les Philistins sont dans la zone de Jérusalem, n'est-ce pas frère? Aux alentours de Jérusalem et de Damas, n'est-ce pas frère? Tout à fait. Continuons. Donc, vous voyez que petit à petit, Dieu montre comment l'être humain, la génération se sont répartis. Continuons jusqu'à ce qu'on arrive au verset. Allons-y. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Oui, maintenant vous voyez Heth. Heth, ça veut dire terreur. Ça veut dire que ceux-ci sont nés, peut-être étaient tellement méchants qu'on a donné le nom de terreur. Et voilà maintenant les Héthiens. Continuons, frère. Et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Sinéens, les Arvadiens, les Tsimariens, les Amasiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Voilà, donc vous voyez, ça va, les familles des Cananéens se dispersèrent. On ne dit pas dans quelle direction ils ont pris. Mais on cite d'abord les Jébusiens. Donc les Jébusiens sont initialement, Jébus et Jérusalem, si vous comprenez dans la position géographique de la Bible, Jébus, c'est Jérusalem. Donc les habitants, les Jébusiens sont les habitants originaux même de la ville de Jérusalem. Maintenant, on dit que ce sont les Canaans. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il je vais vous donner le pays des Canaan. Et les enfants d'Israël vont venir peupler cela. Maintenant, quand vous regardez donc dans cette généalogie, c'est Canaan qui possède cette zone-là, initialement. Dieu va donner cela à Abraham en signe de pèlerinage, puis il va dire qu'il va donner ça à ta postérité. Et la postérité, d'où va sortir la lignée dont maintenant vous regardez, que vous allez voir effectivement que Abraham engendre Isaac engendre Jacob, ainsi de suite. Non, avant de commencer cela, Noé engendre Japhet, Sem et Cam. Et puis on va voir que dans la lignée maintenant, c'est la lignée de Sem ou bien de Japhet que sortira la postérité qui va aller peupler Canaan, chasser Canaan sur sa place. En réalité, donc vous voyez effectivement que les populations de Canaan originaires sont des frères, n'est-ce pas frère? Tout à fait. Continuons la lecture. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm, jusqu'à Lécha. Oui. Ce sont là les fils de Cam, oui. Selon leur famille, oui. Selon leur langue, oui. Selon leur pays, selon leur nation. Et la Bible conclut au verset 32. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Fin de citation. Amen. Alors Dieu a parlé. C'est-à-dire que toutes les colorations étaient représentées dans l'âge. Les éloignements, les changements climatiques. Le climat n'a pas amené une couleur. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le climat n'a pas amené une couleur. Parce que si le climat, le soleil ne produit pas la mélanine. La mélanine y est déjà. Et s'il y a une modification des mélanines qui implique sur les couleurs, ça suppose que ces données-là sont inscrites dans les gènes. Et donc Dieu utilise des facteurs extérieurs pour pouvoir amener cela à l'existence. D'accord, frère? Amen, frère. Amen. Là, je suis ravi. Voilà. Maintenant, je vous pose ma question. Oui, frère. Je crois comment je suis prêt là pour te répondre maintenant. Tu es prêt pour me répondre. Parce que j'étais bien éclairé là, parce que c'était ma pensée. Tu vois là, oui. Là je suis rassuré. Amen. Donc maintenant, même si je ne te réponds pas, je suis toujours prêt quand même. Ok, vous êtes prêts dans ce qui peut vous poser mes questions. Ouvrez Genèse chapitre 6. Oui, Genèse chapitre 6. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On passe de bons moments, n'est-ce pas? Amen, amen frère. Genèse chapitre 6. Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Et puis je vais poser ma question. Genèse chapitre 6, je lis au nom du Seigneur. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. C'est comment, frère? Sa connexion dérange là. Non, pause, je ne crois pas qu'il a reçu un appel. Vous voyez comment les gens payent-ils, n'est-ce pas? Qui va nous lire cela, là? L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Pardonnez-moi, j'ai eu un appel. On a compris cela, mon frère. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, regardez encore le verset 3. Relisez encore, voilà. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent. C'est quand même curieux. Je crois que le frère, il ne doit plus lire alors. Le frère Pierre peut nous lire cela. Il a les rendez-vous non respectés et par conséquent, les gens ne font que l'appeler. Bon, les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Oui. Alors, maintenant, la Bible nous informe qu'il y avait des géants qui étaient fameux dans l'Antiquité. N'est-ce pas? La Bible parle ici des... le mot géant là-bas, c'est Néphilim, n'est-ce pas? Oui. Vous avez ma frère? Nous sommes le chapitre 6. Dieu va les nettoyer. N'est-ce pas, frère? Oui, frère. Voilà. Maintenant, Dieu va les nettoyer au point où, d'après ce que vous venez de lire dans le livre de Genèse, chapitre 10 tout à l'heure, il n'y avait que trois personnes. Okay, il y a un enfant qui bavarde. Oui. Dès que, et le réflexe de fermer les téléphones, les connexions, enfin, les micros, afin que ça ne nous perturbe pas comme ça. Alors, je disais donc que, ici, la Bible parle de ce groupe de géants qui étaient sur la terre. Dans l'Antiquité, on disait qu'un pouvait attraper un arbre et arracher l'arbre de la terre avec la main, exactement comme vous avez lâché de l'herbe. Tellement la méchanceté était avancée. Alors la Bible parle là maintenant de ces choses dont on appelle aujourd'hui mythologie, pour dire que ça sort des mythes, pourtant ce sont des réalités qui ont existé sur la terre. Maintenant, allons dans le livre des Nombres, chapitre 13. Puis je vais vous poser la question. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Dans le livre des Nombres, chapitre 13, on va faire le choix des 12 personnalités qui vont aller entrer, parce que nous sommes là-bas, à la porte d'entrée dans le pays du Canaan. Quelqu'un a des soucis là? Quelqu'un est tombé? Vous avez des soucis, frère? Nombres chapitre 13, verset. Voilà. Nombres chapitre 13, verset. On va parler maintenant de ces gens-là, d'accord? Dans le nombre chapitre 13, on choisit donc 12 personnes qui vont aller explorer le pays. Vous voulez comme ça vous introduire cela avant de vous entrer, donner ces passages-là. Les 12 vont aller en Israël, sur la terre d'Israël maintenant, pour explorer le pays, pour voir ce qu'il en est. Moïse va les choisir, parmi lesquels Caleb et Josué. Ils vont partir, ils vont aller à l'exploration. Lisons à partir du verset 20. Je pense qu'il ne faut pas que le frère Yannick lise pour qu'on l'appelle encore pour nous couper cela. Nombre chapitre 13, verset 20, je lis. C'était le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Tim jusqu'à Réo, sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïman, chez Shai et Shalmaï. Courage, frère, c'est pas notre langue, d'accord? Lis, courage. Enfant d'Anak. Les enfants? Enfant d'Anak. Soulignez, enfant d'Anak. Et on continue. Hébron avait été bâti 7 ans avant Shaon en Égypte. Il arrivait jusqu'à la vallée de Skol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des firgues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils rendirent auprès de Moïse et d'Aaron. Ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël et Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent leurs fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des géants d'Anak. Non. Pardon? Les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb citèrent le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons en parlant du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allaient avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. Vous voyez comment le verset 33, relis encore le verset 33, frère. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alors, quelle lecture faites-vous de cela? Anak, ça veut dire long cou, parce que ces personnes avaient les cette race là étaient des géants avec les longs coups, donc les races, cette race des géants. D'accord, mes frères? Frère, oui. J'ai d'abord j'ai une question. Est-ce que à quel moment ces géants sont arrivés? Est-ce que ces géants étaient là avant Adam et Ève? Ne me complique pas la vie, mon frère. Laisse-moi poser ma question. Ne me complique pas la vie. On a convenu que Adam et Ève, il n'y avait pas, la Bible est claire, il n'y avait point de personnes, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Dieu a pris l'initiative de créer Adam. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, Genèse chapitre 6 nous rapporte qu'il y a eu un certain mélange. Un certain mélange des races et que certains prototypes des races sont sortis maintenant alors que ça n'était pas présent sur la terre. N'est-ce pas? Amen. Mais yes, sir. Amen. La situation nous est présentée dans Genèse chapitre 6 que Dieu a nettoyé, littéralement, nettoyé toutes ces races-là avec les autres êtres humains. Oui ou non? Exactement. Je vous pose la question. D'où sortent les géants tels que nous retrouvons dans Nombre chapitre 13? D'où sortent-ils? Puisque là, ils sortent, Dieu dans la Genèse est en train de vouloir progresser pour révéler son peuple. Dans le progrès, il l'a nettoyé. Le peuple de la semence va sortir dans Noé. Et puis quand il va manifester maintenant sur la terre, le peuple se développe. Un jour, ils vont en Égypte. Ils sortent de l'Égypte pour entrer pour aller conquérir le territoire qui leur a été promis depuis Genèse. Ils viennent là-bas, ils sont coincés, ils voient encore la même présence qu'on a détruite dans la Genèse. La Bible déclare clairement qu'ils ont décrié la voix de ça devant les enfants d'Israël en disant, nous étions à leurs yeux. Gardez bien cette proportion. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Imaginez les sauterelles. Prenez par exemple un criquet. Regardez-vous debout et regardez un criquet. Regardez un peu le rapport. Ce que les Juifs ont vu là-bas. Alors je pose la question. Vous pouvez imaginer la taille de ces gens-là? On peut imaginer la taille, hein. C'est impressionnant. Hein. Vous voyez que quand vous êtes debout devant un criquet, si le criquet est à quelques mètres de vous, il ne peut même pas sentir votre présence. Savoir que vous êtes là, tellement il est petit, tellement vous êtes grand, il peut voir un mur tout simplement comme c'était un mur. Donc imaginez donc cela. Alors ma question c'est, Dieu a nettoyé dans Genèse tout le mal. D'où sortait cette géance? C'est la question. Vous allez m'excuser pour faire des bruits à côté. Oui. Bon, si on voit là, Dieu n'a pas tout nettoyé. Dieu, on peut dire que... Donc, si il y avait... Attends, frère Olivier. Donc, quand Dieu a nettoyé, il y avait certaines personnes qui étaient cachées dans un compartiment du bateau, comme le fils Jonas, ou bien d'autres ont signé sur le bateau, au point où la déluge, ils ont lutté contre le déluge, et après ils sont sortis, quoi. Est-ce que tu veux dire? Dieu a tout nettoyé physiquement, mais dans le gène, il y a là toujours le gène, il y a le gène de cette race-là. Donc, explique-nous bien. Donc, développe ton test. Ça veut dire que dans le bateau, pendant ce temps, on dit qu'on a déjà, Dieu a déjà tout nettoyé la race. Donc, on voit maintenant, c'est à la descendance, maintenant, comment on appelle, de l'autre race, qu'on trouve que dans le bateau, il y a le gène du géant toujours là. Et là, pour donner encore un exemple type, je ne sais pas si vous avez écouté l'histoire de mon pays. Raconte-nous, mon frère. On a dit qu'on a trouvé... Il y a... L'équipe nationale tchadienne... Rappelons que ton pays, c'est le Tchad, tout juste au nord du Cameroun. frontalier au nord ouais. du Burundi. Bon. Il y a, on dit que au Tchad, il y a une race, on les appelait les Sao, des peuples Sao. Qu'ils étaient, qui ont vécu là au Tchad, vers le Lobon, un peu vers Ndjamena, ça veut dire vers près de nord, vers près de Koussiri là. Donc il y a les traces, ça veut dire les maisons, ils ont construit les maisons. Il semblait que quand ils se mettent là, ils crient, c'est à une longue distance que les gens écoutent. Et les traces de leur pad aussi, c'est plus gros, comme on le voit dans les géants là. Oui. Donc voilà, là, c'est une histoire récente même. C'est pas quelque chose qui date de très long. Bon, c'est un truc récent, quoi. Donc c'est pour cela que je voudrais apporter ça. Ça veut dire qu'il y a le géant, comment on appelle, du géant dans le bateau. Oui. Donc comment ça s'est manifesté? Là, on parle là maintenant de la loi de Mendel, les trois lois de Mendel. Ah. En fait, frère, quand je regarde ça, bon, comme le frère a dit, il devait être dans le bateau, quoi. Et lorsque je vois enfant d'Anak, il y a un nom qui m'interpelle dans la Genèse, l'un des descendants d'Israël. On dit, Genèse 10, verset 13, qui dit Israël engendra les Midim et les Ananim. Donc, je ne sais pas, ça c'est un nom particulièrement qui m'a un peu interpellé. Est-ce que ce n'est pas d'eux qui viennent les enfants d'Anak là? Donc, comme pour les autres, les gènes en fait étaient déjà en eux, mais au moment où Dieu veut en fait manifester ses plans, il fait venir en fait ces géants en existence pour accomplir sa volonté et ensuite les détruire lorsqu'il le souhaite, quoi. Donc je pense que ce sont les gènes qui étaient déjà en eux et le moment est arrivé, Dieu a juste fait manifester sa existence. Donc il y a les gènes de la grandeur, de robustesse. Ça je ne saurais dire, frère, parce qu'il y a même des gens ici, il y a des Allemands ici de près de 3 mètres, de pas 3 mètres, 2 mètres 10, des colosses là. Or, vu que les chercheurs et autres cherchent. Et les Américains aussi. Vu qu'ils cherchent à avoir les soldats super puissants, super forts et autres, je me dis si c'était les choses qu'ils avaient pu créer eux-mêmes dans les laboratoires, ils auraient peut-être fait des armées de gars colosses de 2 mètres au moins. Vu que tout le projet de recherche, c'est pour améliorer les gens, créer même des hommes robots afin de les utiliser à cette fin-là. Donc avoir une armée de gens de 2 mètres et plus, ça allait être un avantage pour eux. Voilà. Donc je me dis, si c'était à leur portée, ils avaient. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, vous m'entendez? La France dans la sainteté, bonjour. On a un souci de connexion. Mon âme soupire après toi. qu'Abraham sera là, c'est là que Ruth sera là, c'est là qu'Esther sera là, c'est là que Moïse sera là, c'est là que tout le monde sera là, mes frères et mes sœurs seront là, c'est là que Jésus sera là, c'est là que je serai avec mon Dieu. Oh non, non. Le sujet de ce soir, sujet de ce soir. Qu'on peut reprendre, je n'ai pas pu suivre parce que j'ai un peu de bruit à la maison, pas mal à différentes choses, je n'ai pas pu bien entendre le mystère sur les géants. Mais sinon, pour répondre à ta question, frère Christian, moi je veux aussi une révélation. Amen, amen. Le frère nous éclaire. Je crois qu'il nous a rejoint là. Oui, je suis désolé, amen. Je suis désolé pour cette qualité. J'ai eu des problèmes, des soucis avec le wifi poker ici. Je crois que vous m'entendez maintenant, c'est bon? On t'entend très bien, frère, mais je sais que ce n'est pas le wifi chinois aussi. Non, c'est le wifi africain, c'est le wifi africain. La coloration n'a pas changé. Alors, avant que je sois coupé là, le frère Benjamin était en train de développer une idée. Le frère Benjamin, je reste avec toi en prenant ce que notre frère bien-aimé, le frère Olivier, nous a dit tout à l'heure. Il nous a rappelé les faits pour ceux qui écoutent l'actualité. Je crois que c'était en 2001, lorsque le crâne d'un des, ce que les scientifiques ont taxé, les plus vieux ancêtres de notre monde a été découvert par les chercheurs français et dans le désert de Djourab, c'est au Tchad, et appelé ensuite par le président, l'actuel président Idriss Déby Itno, par Toumaï. On a baptisé cela Toumaï, et qui veut dire espoir de vivre en langue Goran, si je me trompe, le frère Olivier va me corriger. Alors cela a été présenté, cette crâne là, voilà, a été présenté à N'Djamena et puis amené à l'université de Poitiers. Il date cela d'environ 7 milliards d'années, de 7 millions d'années, et puis ils disent que c'est le plus grand ancêtre de l'humanité. Toumaï, espoir de vie, comme signifie le président Idriss Déby. Frère Béjé, reste avec toi. On retrouve dans le désert de Djourab un être, le crâne, le reste d'un ce qu'ils appellent Sacloanthropocus tchadentis. Lorsqu'on découvre ces choses-là, cette personne ou bien cet être-là, c'est une seule découverte. Qu'est-ce que le crâne humain d'une certaine gigantesque vient faire là-bas alors qu'il n'y a pas le féminin de cela nulle part, on n'en trouve pas. Qu'est-ce que tout ceci peut nous rappeler ou bien peut nous signifier à nous qui sommes les chrétiens? Frère Benjamin, il reste avec toi. Effectivement, par rapport à la proportion de ces gens, leur grandeur et autres, je me suis dit, juste pour y réfléchir, je dis, mais si quelqu'un peut faire près de 10 mètres de hauteur. Oui. Et une femme normale, telle qu'on a des femmes ici, quand elles sont même élancées, c'est dans 1,80. Bon, il y a des plus élancées, des 1,90. Mais comment de cette femme-là peuvent sortir des personnes aussi gigantesques? Mm. Et ensuite, je me suis rappelé, par exemple, de ces gens à qui aujourd'hui on voit comme étant les plus géants du monde là. Oui. Qui ont les deux mètres, 2,30 m, 2,20 m. Or, je me suis donc rendu compte qu'ils sont nés avec des proportions normales comme tout autre enfant. Oui. Mais en grandissant, ce caractère-là s'est en fait développé en eux. Oui. Donc, c'est en fait à cette compréhension-là que je suis arrivé, que c'est vraiment, ils naissent en fait des femmes normales, mais sauf que eux, ils ont des gènes différents. Mmh. Et ils sont amenés à se développer jusqu'à arriver à cette grandeur-là. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Olivier, je crois que les informations qui sont données par rapport à cette tête Toumaï, donc le président Idrissa Bé, qui est ton président, l'a fait, c'était exact, n'est-ce pas? Non, moi je ne parle pas de Toumaï, je parle de Sao, le Sao du Tchad. Ok, tu parles du peuple du Sao. Voilà. Voilà. Ça, c'est les géants du Tchad. Oui. C'est des hommes étaient géants, ils sont plus de 3 mètres, même, il semblerait. Oui. Ah. Il semblerait qu'il est de l'autre côté, comment on appelle, à une distance de 300 et 400 mètres, à 400 kilomètres. Oui. Il peut émettre un cri, l'autre peut écouter. Oui. Il transportait des éléphants. Lui seul, il peut transporter éléphants, transporter des animaux sur lui. Ouais, ferme maintenant, il y a les voitures des pompiers, les Chinois qui sont de là parce qu'ils passent vers toi, mon frère. Donc c'est bon, on a compris. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Et quoi que, des soucis de connexion encore. Pendant les jours de ta jeunesse, mais selon les plaisirs et désirs de ce monde, je fuis rejouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, sous ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours que tu vis et ce qu'on se verra. Est-ce qu'on se verra? bonjour. Bonjour, frère. Bonjour. Ouais. Le frère, la madame Achille, bonjour. Bonjour, frère. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on a passé le round par rapport à cette coloration que le frère Williams voulait nous signifier aujourd'hui. Mais permettez-moi de mettre une vidéo, on voit et on commence et on clôt ce chapitre avant d'avancer dans le prochain thème. D'accord, frère? Oui, frère. Voilà. Question, frère. Dans votre question. Dans le prochain thème ou dans le même thème? C'est dans le même thème, non? Oui. Bon, je voulais savoir comment il y a eu un jonglement, comment on dit que ces gens-là étaient tellement balèzes, étaient trop grands, tout ça. Comment il y a eu un jonglement? Je ne comprends pas. Je crois que c'est ce que le frère Benjamin est en train d'expliquer. Parce que si vous admettez que, comme le frère Olivier a bien dit, il dit que c'était dans les gènes. Donc ça veut dire que quelqu'un naît, il est effectivement comme vous et moi, mais quand il reproduit, nous avons vu ça dans la loi de Mendel, cette reproduction-là se reproduit sur quelqu'un. Comme la personne, comme une personne noire, normalement noire, accouche d'un albinos. Vous voyez, effectivement, la personne est albinos, pas qu'il est devenu albinos à un moment donné, mais que c'était un caractère génétique en lui. C'est vrai, on dit que ces choses ont été transmises à partir des êtres humains normaux comme nous, dont les gènes étaient porteurs, quelqu'un était porté dans le bateau de Noé. Il y avait des enfants d'Anak, mais à l'intérieur, en caractère récessif. Ok, merci frère, merci. Concernant la descendance, là, est-ce qu'ils ne viennent pas de Fahim et donc des anonymes là? Exactement. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Suivant cette vidéo, légère vidéo, sur les gendarmes de notre bien-aimé Benjamin qui a distillé ça tout à l'heure sur le forum. Suivant. Et écoutons maintenant ce qu'il en est par rapport à tout ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Permettez-moi. Allons-y. Le sujet de ce soir, il existe des blancs qui veulent devenir noirs. Est-ce vrai, est-ce faux? C'est le fake no fake de la semaine. On regarde. Changer d'identité au point de changer de couleur de peau. C'est le phénomène transracial. Nés blancs, ils veulent devenir noirs. Martina Big n'a pas hésité à transformer radicalement sa couleur de peau grâce à des injections de mélanine. Un cas extrême qui a pourtant servi de source d'inspiration pour de nombreuses personnes. C'est le cas de Claire, cette jeune fille de 25 ans qui a choisi de garder l'anonymat. Pour elle, se métamorphoser en noir n'a rien de surprenant. Je ne vois pas pourquoi ça pose un problème à la société que je veuille changer de couleur de peau. Il y a bien des gens qui changent de sexe. Moi, j'ai toujours voulu être noir. Je sais que je suis née blanche, mais j'ai toujours, toujours voulu être une personne de couleur foncée. Pour l'instant, je suis contente du résultat, mais j'aimerais encore faire 2-3 séances pour que ça soit totalement noir et pour que mon rêve se réalise enfin. Le phénomène transracial séduit de plus en plus de personnes de couleur blanche. Et au-delà du changement de couleur, ceux qui ont choisi de faire l'inverse du roi de la pop ne reculent devant rien. Chirurgie faciale ou encore implant capillaire frisé, rien n'est trop fou pour réaliser leurs rêves. Le transracialisme est encore méconnu. Pourtant, de nombreux instituts envisagent déjà de surfer sur cette tendance. Voilà, voilà. Vous voyez, vous m'en voyez. Quel commentaire, frère Willy, c'est toi qui as bombardé la question dès le départ, j'étais bombardé la question du retour. Qu'est-ce que tu commences en suivant cela? Quelle est ton impression? Vous m'entendez? Amen, frère. Oui. Alors, le frère Willy, quelle est ton impression en suivant, en écoutant cela? Voilà, cette femme qui a décidé de garder l'anonymat, je crois que ça, c'est une émission de France 2. Qu'est-ce que tu en penses? Le phénomène transracial. Pour moi, c'est la continuité des plans de Satan. Mmh. C'est-à-dire. Il veut confondre l'homme et la femme. Mmh. En fait, pour lui, c'est une manière de combattre Dieu. Mmh. C'est une manière de d'aller à contre-sens des plans de Dieu. Ah, est-ce que... Je crois que son micro a des problèmes là. Non, frère, pardon. Donc, pour moi, quand on voit ça, quand on voit ces gens qui veulent devenir africains ou les africains qui veulent devenir blancs, pour moi, ça me dit que c'est pour aller contre la nature de Dieu. C'est pour que l'être humain, Satan veut faire croire à l'être humain que c'est lui qui décide. Oui. Donc, l'être humain, il naît comme il naît, mais Satan veut faire croire à l'être humain qu'il peut décider de ce qu'il veut. Ok, est-ce que tu veux être un homme ou est-ce que tu veux être une femme par rapport à ce que Dieu a décidé? Est-ce que tu veux être noir ou blanc par rapport à ce que Dieu a décidé? Je rappelle une chose qui n'a rien à voir avec la question que le frère Junior nous demande. Si je rappelle une chose, c'est que l'objectif de Satan, c'est qu'un jour, l'homme porte l'enfant. Oui. Ils sont en train d'étudier ça derrière. D'accord? Donc, sachez, frères et sœurs, que ça, là, l'homme veut devenir noir ou blanc, ou le noir blanc, oui. C'est un détail. Ils sont en train d'aller jusqu'à ça, jusqu'à ce que l'homme porte un enfant. Voilà. Donc, moi, le sentiment que j'ai, frère Junior, c'est qu'ils veulent, veulent faire croire à l'être humain que c'est l'être humain qui décide. C'est-à-dire que nous, on décide ce que l'on veut à contre-nature de Dieu. Et c'est une manière, donc, pour Satan, c'est une manière, donc, pour tous ces lieutenants, pour tous ces dirigeants qu'il y a sur la planète et qui sont en train donc, de mettre en place toutes ces choses-là, c'est une manière pour eux d'avoir la main sur les trucs. Donc, de prendre la place de Dieu. Donc, on en vient à quoi? On en vient à une simple et bonne chose, c'est que Satan veut avoir le pouvoir sur la planète à la place de Dieu. Comme si Pierre voulait prendre le pouvoir du pays à la place de Paul. Voilà. Mais on est en train de vivre ça. Et donc, en fin de compte, c'est à nous, frères et sœurs, d'avoir le discernement et d'amener le maximum d'âmes vers la vérité, comme nous, actuellement, nous le sommes. Et nous sommes en train d'y rentrer de plus en plus. Voilà. La sœur Julie Gabo. Oui, frère. Le frère Willy vient de lui donner une révélation de l'agenda satanique maintenant, en disant que comme tu accouches et que les enfants dérangent, là, la prochaine fois, c'est le frère Christian qui va accoucher. N'es-tu pas contente? Il faut qu'il porte également, il regarde aussi les douleurs de l'enfantement, n'est-ce pas? Non, enfin, chaque chose a sa place. Le Seigneur sait pourquoi. Et il a mis en la femme il a outillé la femme en fait. Il a mis en la femme ce qu'il faut pour porter un enfant, ce que l'homme n'a pas. Oui. Donc déjà quand on voit sur le plan morphologique, le bassin, l'homme et la femme sont différents. Mais ils vont injecter les substances là-bas, ça va lui donner un grand bassin. On a vu cette femme avait des énormes seins là-bas, d'autres mettent des silicones à l'intérieur, pas vrai? Oui, ils ont mis les silicones, mais ce n'est pas un organe vivant, en fait. Ça ne vit pas. Pourtant, l'utérus de la femme, c'est un organe qui est vivant. Donc, j'aimerais bien voir cet espoir que Satan va accomplir là, mais ça va quand même, ça va quand même te délivrer de la douleur de l'enfantement, non? Il faut que le garçon, là, il sente un peu ce que ça fait, quoi. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas de la douleur de l'enfantement parce que le Seigneur a décidé. Amen. Le 10 décembre 1948, au palais de Chaillot à Paris, c'est voté la loi dite de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en son article 16, l'alinéa 3 signifie exactement que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit donc à la protection des sociétés et de l'État. Est-ce qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, d'après cet article, l'article 16 des Déclarations universelles des droits de l'homme à son alinéa 3, est-ce qu'on a comme impression que les États européens, d'où effectivement sont votés ces lois-là et ont été promulguées sur la plan universel, est-ce qu'on a comme le sentiment qu'ils sont en train de protéger la famille? Prenez la parole. Je ne pense pas, frère. Parce que s'il y a quelque chose qui peut protéger l'homme, il y a quelqu'un qui veut parler, je ne sais pas. Non, c'est toi qui parles. Oui. Donc, je disais tantôt que s'il y a quelque chose qui peut protéger l'homme, c'est la parole de Dieu. Donc, je ne vois pas quelle autre loi qui passe cette loi-là. Bon, parce que cet article-là, la 3 de cet article dit la famille. Gardez bien l'esprit ceci. Nous sommes de voir un sujet des transmutations, et puis le frère Willy a fait une mention de ce plan satanique là qui on veut transformer, et dans cette vidéo on a vu d'autres personnes qui font le transgenre, c'est-à-dire que les hommes qui deviennent les femmes qui deviennent les hommes, dans leur morphologie physiologique. Mais cet article 3 là dit que la famille est l'élément naturel, naturel. C'est-à-dire que la nature l'a voulu ainsi. La nature l'a voulu, donc la nature est volonté. Naturel est fondamental. Fondamental, c'est-à-dire que c'est nécessaire et ça, c'est un but précis de la société et a droit. Donc, dans ce cas, il veut dire, dans cet article-là, on doit protéger. Il dit, les États et la société doivent protéger la famille. Maintenant, nous avons la loi Christiane Taubira, en 2013, l'une des trois lois Christiane Taubira. Vous vous souvenez, la deuxième loi de Christiane Taubira parlait des mariages de même sexe. Oui. Alors, maintenant, est-ce qu'en faisant le mariage de même sexe, l'enfant qui grandit, on a donné le droit aux parents d'adopter les enfants de leur nature qu'ils voudraient? Et puis là, maintenant, on a sorti avec la théorie des genres dans les écoles. Puis on est venu maintenant avec le mariage homosexuel qui se répand de part et d'autre. Est-ce qu'on a comme impression que ce sentiment de protectionnisme dont on avait fait mention en 1958 est la réalité aujourd'hui? Non, frère. Que je voulais te répondre ça avec des versets. Tu vois, non, frère. Oui. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 1, Dieu dit la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. Tu vois. Donc déjà, à partir de là, on doit comprendre que quel que soit ce que l'homme peut dire, il n'y a rien à comparer avec celle de Dieu. Parce que Romains chapitre 1 va nous répondre à tout ça. Tout ce qu'on veut parler là, Romains chapitre 1, à partir du verset 24, non, à partir même du verset 18, nous répond déjà à tout ça. L'un qui est destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Donc, qu'est-ce que l'homme peut donner aujourd'hui à l'homme? Puisque le Seigneur dira que l'homme ne se confie pas en l'homme. Tu vois, donc, il est question que c'est Dieu qui protège l'homme. La famille, on sait que Dieu aime la famille. Il n'y a que Dieu pour protéger le socle familial. Il n'y a que la parole de l'évangile. N'est-ce pas un paradoxe pour eux d'avoir écrit et voté qu'il faut que la famille soit protégée et que c'est eux aujourd'hui qui sont en train de détruire cette même famille-là? Justement parce que, en fait, c'est une parole tronquée, une parole apportée avec des pièges derrière. Oui. Donc, on présente quelque chose qui semble être vrai, mais derrière se cache beaucoup de choses. Oui. Oui, frère Yannick. Tu veux parler, frère? Oui, frère Yannick. Oui. En fait, ils vont toujours nous présenter les choses dans le sens de le faire pour notre bien, mais au final, ce sera jamais le cas. On sait que ils ont bien compris que le maillon à détruire, c'est le cercle familial. Et je voulais observer qu'il y a quelque chose. Le principe de contre-nature, ça vient de qui? Le contre-nature vient. Il y a un esprit derrière, un esprit de rébellion qui veut casser ce que Dieu a établi, préétabli. On sait très bien que l'homme, c'est le chef du foyer. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train de retourner l'autorité que Dieu lui a donnée pour le donner de façon égalitaire avec la femme. Et on est en train d'inverser ça et les enfants prennent même de l'autorité sur leurs parents. C'est-à-dire que la Bible déclare que le père doit, dans un verset, tu dois corriger ton enfant. Mais au jour d'aujourd'hui, les parents n'ont plus le droit de corriger leurs enfants. Donc on est toujours en train d'aller dans un sens contre nature de ce que Dieu a établi, pour retrouver l'esprit de rébellion de départ du prince de ce monde, en fait. À tous les domaines. C'est-à-dire que tu nais homme, on t'incite à devenir femme, on t'incite à devenir homosexuel. J'ai un ami aux États-Unis qui me dit, pour se marier aux États-Unis, je crois que tu payes $55 et tu peux divorcer le lendemain. Or, le mariage, c'est quelque chose que Dieu a établi. Et on banalise, et tu vois. Donc, il y a toujours cet aspect de contre-nature pour briser l'autorité de Dieu et inverser ce que lui il a établi. Donc, il y a toujours un esprit de rébellion dans tout, que ce soit, et le maillon fort qu'on veut attaquer et briser, c'est le maillon familial. L'autorité du père, on redonne ça à la femme et à l'enfant, on autorise à la femme de faire ce qu'elle veut. Donc, tout ça, c'est un esprit qui est derrière, en fait, et qui a une tentacule qui manage tout ça du haut, de façon à ce que tout ce qui a été fait à la jeunesse par Dieu soit inversé. Donc il y a un esprit de rébellion derrière qui est très puissant. Voilà. Mais l'affichage de tout ça, c'est qu'on nous présente, la façade qu'on nous présente, c'est toujours quelque chose de bien pour nous, tu es libre, voilà. On nous présente toujours le bon côté, mais jamais le revers, quoi. Est-ce que moi je pourrais en dire? Donc, il faut vraiment avoir un discernement pour voir ça de loin. La devise de la République française, c'est quoi? Et travailler. L'égalité fraternelle. Oui. Par réflexe, le frère Yannick en France pense toujours. Et on parle de la, on parle de l'attribution de la nationalité pour pouvoir attribuer la nationalité française. L'une des conditions, c'est savoir si tu as pu intégrer les notions même de la. Le voilà en France avec la nationalité française, avec le père travail patrie. Donc, quelle est la devise de la France? Égalité, fraternité, liberté, égalité. Fraternité. Liberté. Donc, vous tous, vous êtes libres. Vous pouvez vous marier avec le coq, la poule, comme vous voulez. Même si vous êtes libre, vous mariez comme avec la poule, vous devez vivre quoi? Dans la fraternité. Vous devez admettre cela. Et puis, vous êtes tous égaux devant ces choses-là. Cet libertinage-là, les semences de la rébellion dont on parlait, le frère Yannick tout à l'heure, là, Alice Crowley, l'un des grands satanistes du monde, et surtout, comment il s'appelle encore, Anton Slamdon Lavey, qui a écrit la Bible satanique et qui a créé l'église de Satan en 1966 aux États-Unis, signifie dans le titre 9 dans la Bible satanique, le titre 9 qui traite de la représentation satanique en son article, enfin le verset 9, en signifiant que Satan a été le meilleur ami des églises et qui restera pour toujours, à jamais, son meilleur ami. Et puis au verset 9, verset 8, il dit quoi? Il dit Satan représente tout ce qui peut être appelé péché et qui peut attirer ou même et même gratifier mentalement, physiquement et émotionnellement. Petit à petit donc, il définit Satan comme une représentation de celui qui a été le meilleur ami de l'homme. Non seulement le meilleur ami de l'homme qui révèle le secret à l'homme et puis maintenant le meilleur ami de l'église. Je parle de ces versets-ci pour dire, quand il dit Satan est le meilleur ami de l'homme, il injecte comme ça la semence de la rébellion comme pour révéler qu'au milieu de l'église se trouve en collaboration. Je pose la question, pourquoi les églises ne dénoncent pas de telles choses? C'est une modification corporelle, c'est une modification de l'homosexualité où les gens se taisent et laissent la société faire. Pourquoi ils ne parlent pas? N'est-ce pas un silence complice, frère Achille? C'est tout à fait un silence complice, frère, parce que ce n'est pas normal. Ça fait partie du processus que Dieu avait demandé. Donc, pour moi, en fait, moi, l'église est tellement loin de ce que Dieu a demandé. Parce qu'il y a tellement de choses qui doivent être dénoncées qu'ils ne le font pas. Tout ce que l'église a pour mission de faire, c'est d'amasser des fonds pour remplir leurs caisses et se faire ce qu'il a pour. Mais véritablement, excusez-moi. Oui. Alors, le frère Willy Landreau, le frère Achille t'accuse que toi, en France, on a voté la loi contre l'homosexualité. Et Anton Slando Lanvi dit que tu es complice parce que tu es fait partie de l'église, parce que tu ne dénonces pas. Donc tu joues le jeu de Satan. C'est ce que le frère Achille vient de dire. Frère Willy. C'est ce qu'il a dit. C'est pas moi, je cite ces mots. Je peux être d'accord dans son sens où la France, déjà, le pays, est tout à fait complice. Après, quelqu'un comme moi, personnellement, en suit, oui, parce que je n'ai pas été dans la rue, prétendre que c'était pas bon. Maintenant, je suis un peu divisé, frère Junior, justement. Est-ce que il est important qu'on aille dans la rue et puis qu'on amène la parole de Dieu, qu'on essaie d'amener des âmes, ou est-ce que plutôt on doit plutôt le faire d'une manière discrète? Pourquoi je pose cette question? Parce que c'est quelque chose qui se pratique beaucoup. Mais en général, ce qui se pratique beaucoup, enfin, ceux qui le pratiquent, ça, aller dans la rue, pour faire un petit peu une forme de manifestation pour crier l'amour qu'ils ont pour Jésus. Le problème, c'est que les trois quarts qui le font, c'est les églises. C'est ce qui s'appellent les églises évangéliques. Donc, alors oui, pour répondre au frère Achille, oui, je peux peut-être avoir une forme de responsabilité que je n'irais pas nier. Mais en tout cas, c'est pas du tout le fond de ma pensée. C'est-à-dire, c'est pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Alors, peut-être qu'effectivement, j'en suis en partie responsable. Et si c'est le cas, ben, pardon. Et maintenant, j'en profite aussi pour amener donc une question qui est, d'accord, mais est-ce que c'est bon qu'on aille dans la rue crier à voix haute l'homosexualité n'est pas bon, arrêtez ça. Et tu sais ce que tu as en cours comme peine, n'est-ce pas, frère? Entre autres. Et puis en plus, moi, je pose cette question parce que je ne maîtrise pas aussi bien que le frère. La Bible, et est-ce qu'il n'y a pas une certaine manière dans la parole, une parole qui dit d'être discret. D'être discret, oui. C'est-à-dire que comme on est discret, comme on est ensemble entre nous là maintenant, on peut parler de l'homosexualité sans déranger personne, n'est-ce pas, frère Willy? Alors. Le faire d'une manière beaucoup plus discrète. Je sais plus comment c'est tourné, je sais plus comment c'est dit, mais je sais que dans la Bible, il est dit que voilà, il faut être d'une certaine façon assez discret aux yeux de l'ennemi. Et cette même Bible l'a dit que ce que je vous ai dit dans la maison, prêchez-le sur le toit. Maintenant, j'avance dans le développement. Christian Marie Toubira. Cette femme dont j'ai parlé tout à l'heure sur la loi Toubira, vous connaissez la loi Toubira, je n'avais pas parlé de 1975 avec la loi Simone Veil qui a donné la libération avec les interruptions involontaires de grossesse. Mais restons sur le cas de Christian-Marie Toubira, cette ressortissante de Cayenne en Guyane, qui pendant 3 années, depuis le 16 mai 2012 jusqu'au 27 janvier 2016, fut le garde des Sceaux et ministre de Justice donc de la France et qui a soutenu ces 3 lois-là, la loi sur l'esclavage, que l'esclavage devait être considéré comme un crime contre l'humanité. Et puis, restons sur la loi sur le mariage same-sexe. C'est une femme africaine, parce qu'elle a la peau noire, qui soutient cette loi-là, l'Assemblée nationale défend pour le gouvernement jusqu'à ce que, sous le gouvernement Hollande, on puisse avoir ces choses-là, maintenant, cette libération. Le monsieur Emmanuel Macron vient au pouvoir, il accueille lors de la fête des musiques dernière, la semaine dernière, des homosexuels, et il se pavane là-bas, et la majorité des personnes qui sont présentées devant la scène sont des noirs. Aux États-Unis, le plus célèbre président que les États-Unis ont pu avoir a été un noir, et le plus célèbre cime dans la négation, et pour les uns, et quelqu'un d'évolué pour les autres, pour avoir libéré l'homosexualité aux États-Unis, sont les noirs. N'est-ce pas une connotation pour dire effectivement que cette race noire, c'est une race maudite? Qui prend la parole? Donc, autrement dit, tout ce qui est négatif vient des noirs. N'est-ce pas là un symbole pour montrer effectivement que le mal là, c'est nous? Moi, je suis pas de cet avis-là. Je suis pas de cet avis-là. Parce qu'il ne faut pas comprendre une multitude de personnes pour faire une généralité. Tu vois, frère. On ne peut pas prendre une certaine minorité pour en faire une généralité avec. Donc, moi, je ne suis pas d'accord que. Bon, le langage du monde dit que les Noirs sont maudits. Bon, ça, c'est le monde qui dit. Comme on est parti tout à l'heure sur l'Afrique du matin, c'est faux. D'après ce que nous dit la Bible. Oui. Moi, je crois qu'ici, le problème est d'ordre spirituel. Il y a une certaine élite. Qui a des peuples issus de diverses races qui contrôlent ce monde et qui font des choses qu'on connaisse tous et qui sont justement unis, qui sont liés, qui sont en collaboration justement pour dominer dans ce sens-là. Et parmi cette diversité des races aussi, il y a des enfants qui sont dissimulés partout. Il y a des Français qui sont enfants de Dieu, il y a des Américains qui sont enfants de Dieu, il y a des Africains qui sont enfants de Dieu, les Chinois qui sont enfants de Dieu. C'est pas du tout la même chose. Tu vois, non? Frère Yannick. Tout à fait, ça me fait percuter sur quelque chose là. Frère, il me semble que je t'ai partagé une vidéo où il y a un ex-franc-maçon converti à Christ qui dénonce ses œuvres-là. Et j'ai enregistré la partie où il dit justement que toutes les lois qui sont votés à l'Assemblée nationale sont réétudiés dans les loges maçonniques et avant d'être promulgués. Je crois que j'ai le passage, je te l'ai envoyé sur... J'ai ciblé la partie... Je pourrais peut-être la retrouver là. Donc en clair, la franc-maçonnerie est derrière dans le noir pour un agenda satanique dont signifie le frère Willy, mais sur la face du monde ne présente pas cette loi-là directement. Ouais. Je crois qu'il y a un frère, le frère Oswald, qui a écrit quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire ce qu'il a écrit, parce qu'il intervient dans ces choses. Comme il a dit, le micro et le bruit, il y a beaucoup de bruit chez lui. Il a dit qu'il pense que les Occidentaux utilisent la race noire pour affirmer leur thèse qui dit que le diable est noir. Oui. OK. Nous allons prendre une respiration musicale maintenant pour prendre une pause. Et puis on revient dans la deuxième partie pour prendre cette autre chose. Puisqu'on a quitté le sujet, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Ils sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes. Ils traduisent avec silence. Comment ils disent que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes. Ils traduisent avec silence.